La musique, rire de jouvence, wow. Indestar, là où tout commence. Effectivement, c'est là où tout commence sur Indestar. On vous souhaite un excellent vendredi soir, les amis, www.indestar.fr. Et cette émission en podcast quand vous le voulez et où vous le voulez, sur une vingtaine de plateformes. Toute l'équipe est là, mais pas en studio. On est chacun à la maison, d'où le nom de cette émission, l'émission à la maison. On était cherché très loin celle-là. Il y a Laura ce soir, il y a Jolan, il y a Linda, il y a Martin, il y a Audrey, il y a Teddy et il y a Virginie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tout le monde est là, voilà. Alors chacun bien installé. Tiens, j'ai envie de faire un petit tour de table. Laura, quelle est ton installation à la maison ? Eh ben, mon installation, c'est que je suis sur mon canapé, mon ordinateur portable est sur la table basse, et je tiens mon micro à la main parce que j'ai pas trouvé d'endroit bien pour le pied, donc voilà. Okay. En tailleur, tranquille. En tailleur. Ah, tu t'es habillée classe ce soir. Hein. Elle est en tailleur. Le pire, c'est que aujourd'hui, je me suis maquillée alors que techniquement, on ne me voit pas. C'est le pire. C'est important. T'es vu, toi. C'est très bien. On sait jamais parce qu'avec avec les nouvelles technologies, on nous observe. Jolan, on t'observe devant tes 10 écrans là. Alors, tout de suite, 10 écrans, j'ai deux écrans déjà pour commencer. Ouais, t'es dans ton bureau, toi. Je suis sur mon bureau, ouais. Donc, si vous voulez, je posterai une photo sur Indestar pour voir la tête de mon installation. Oui, parce que c'est pas des écrans 15 pouces, hein, c'est des écrans 32 pouces que t'as devant toi. 27. Ouais, 27, autant pour moi. On est pas loin, seulement. Désolé, ouais. Pas de vous. Linda, tu es. Ouais, toi, t'as pas un écran de 27 pouces, t'as un écran de 277 pouces. Non, mais j'ai mis le petit écran, c'est pas terrible. Sinon, mais là, je suis sur mon nouveau bureau parce que tu sais que j'ai changé toute ma config et du coup, bah, là, j'ai un nouveau bureau et tout. Alors, moi, je le sais, de relevé. Je suis pas sûr que vous êtes tous à le savoir, mais oui, tu as un nouveau bureau avec un nouvel ordinateur. Ouais, c'est ça. J'ai un peu dépensé des sous là pour le confinement, donc voilà. Mmh. C'est Noël avant l'heure. C'est ça, c'est mon cadeau. Mmh. Très bien, il a l'air très bien en plus son ordinateur portable et tu vas pouvoir faire du montage vidéo pour Indestar, c'est cool. Non, c'est une tour, mais c'est pareil, ça fait le même travail. Exactement. Martin est avec nous ce soir, bonsoir Martin. Bonsoir. Martin, tu es installé comment chez toi, dans les toilettes ? Non, dans les toilettes. Je suis pas trop mal, je suis à mon bureau, bien, le petit pied fait bien son travail de pied. Il maintient bien le pied. Il marche bien. Très bien. Ok. Non, mais c'est bien d'imaginer comment on est chacun à la maison, tu vois. Quelle est la couleur de ton mur, par exemple ? Il est vert. Il est vert. Ah bah c'est bien. Ah bah tiens. C'est corporate, c'est une des stars. Parfait. C'est bon. C'est le stagiaire, mais un peu trop investi en fait. Chez lui. Il a mis un logo Indestar à sa porte, aux toilettes. Fais gaffe, Teddy, il va prendre ta place de sous-directeur bientôt. C'est le stagiaire qui veut vraiment conclure à la fin, quoi. Exactement. Oui, signe son CDI à la fin. Audrey, la table basse ? Non, même pas. Je suis sur ma table de salon, au milieu de mes livres avec mon chat. J'ai un micro portable sur le cou. D'accord. Et, comment ? Bonjour au chat. Oui, pour oui, tout le monde. Ah non, alors, il peut pas faire miaou le mien, il a pas de corde vocale. Non, c'est un chat qui ne parle pas. C'est énorme. Il est arnaqué à la vente. Je sais pas. Il est arrivé chez moi un jour. Genre, chat, il est vraiment. Ah, déjà, il s'appelle chat. Oui, voilà. Et il est arrivé un jour, j'aérais mes fenêtres, c'était l'été. Et je rentre dans mon salon et je fais mais qu'est-ce que tu fous là, toi ? Et il était tellement mignon que j'ai fait bon, d'accord, tu restes. Il est resté. Écoute, tu veux plus jamais le laisser sortir. Plus jamais, oh, je l'ai séquestré. Ouais. Non, il vit sa vie dehors en vrai là. Mm. Et toi, Théo, t'es comment du coup ? Attends, t'es dit, c'est quoi ton décor toi ? Alors moi, je dois être le mieux loti d'entre nous. Moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 écrans. Ouais, c'est surtout que t'es dans le studio, ouais. Je suis au studio d'Indestar, donc j'ai tous les écrans, j'ai tous les boutons, j'ai tout plein de ouais, trucs. Ouais, c'est ce que j'allais dire, toi t'es corporate, t'as des logos Indestar partout aussi quoi. C'est ça, moi j'ai de quoi faire, je peux m'amuser. Et Virginie, chez toi, ça se passe comment avec ton micro Sing, je sais pas quoi là ? Alors, moi j'ai mon écran 17 pouces. J'ai mon petit micro, le micro de mes enfants. Et puis, je suis sur ma table basse et dans mon canapé, tout roule tranquille. D'accord. Oui, parce qu'on rappelle que Virginie, elle a un micro qui est normalement destiné aux enfants pour faire du karaoké, c'est ça ? C'est un jeu vidéo en fait ? Ouais, Just Dance. En fait, parfois il nous arrive le dimanche de nous taper un petit délire, on fait Just a Thing ou bien on fait Just a Dance, voilà. D'accord. Et Just a Thing, quelle est ta chanson préférée avec les enfants? Ah, alors comment elle s'appelle cette nana? Elle est super. Je te redirai le nom tout à l'heure, mais c'est la chanteuse préférée de ma fille de qui a 10 ans. C'est Angèle, non? Non. Ilona, c'est une anglaise. Elle chante en anglais. Billy. Wow. Ah ouais. Incroyable. Ouais, c'est original. C'est pas Billy Eilish? Non, c'est. Ah, je te redirai le nom. Je sais plus. Okay. Fais-nous une petite démo chanson. Ouais. Ah la peau. C'est la démo blague de Virginie, ça c'est la démo chanson. Oui. C'est un piège. Non, j'ai pas de démo blague ce soir. Non, alors, pourtant c'est le thème parce que ce soir on va parler. Et toi, Théo, tu as pas dit Théo. Comment je suis installé? Moi je suis bien installé, hein, mais je suis dans mon bureau. Bon, j'ai un peu mal au dos parce que ma chaise n'est pas hyper confortable, mais je vais y travailler. Et autour de moi, j'ai un mur blanc, un mur vert. Voilà. Toi aussi, donc, t'es corporate, hein, du coup. Corporate à fond. Et c'est surtout que mon mur vert me permet de faire du fond vert. Donc, c'est vrai. On peut ce qu'on veut dessus, c'est cool. Voilà. Et j'ai un grand écran de 32 pouces devant moi. Voilà. Ah, ça bien, 32 pouces. Et c'est bien. Katy Perry. Ah, oui. Ah oui. Perry, évidemment. Elle est américaine, du coup, elle est pas anglaise. Oui. Ouais, elle est américaine. Ah oui, autant pour moi, elle est américaine. Mais elle est super chouette. Ah ouais, elle est sympa comme nana. Je l'aime bien. Moi aussi. Bon, je vous ai demandé comment votre décor était autour de vous. Maintenant, j'ai envie de vous demander, parce que c'est le thème de la soirée, on va faire une émission de pop culture, donc on va parler films, on va parler jeux vidéo, séries... Peck Avenger vidéo. Ah non, c'est pas ça. Ah non. On va parler quoi, Teddy? Bah des Peck Avenger. Ah bah non. on est pas s'éloigné, hein, n'est-ce pas? Sauf qu'on est tous ensemble. On est des presque Avengers. Ouais. On est ouais, Avengers des presque. C'est les PK à la maison, quoi. On va parler humour, c'est le thème de la soirée. Mmh. Tout ce qui fait rire, hein, dans la rigolade. J'ai envie de me demander quel est votre artiste, acteur, humoriste préféré à chacun. On refait le tour de table ou pas de table, mais on fait le retour de pièce. Laura, acteur préféré? Mon acteur préféré est Jim Carrey. Bah ça tombe bien parce que figurez-vous que tout à l'heure, Laura nous parlera d'une série avec Jim Carrey. Avec Jim Carrey. Je parle bien. Jim Carrey. Pardon, j'ai bugué. Tu le fais hyper bien cette voix. C'est clair, trop bien. La voix du robot qui bug, ouais. Mais imagine dans la vraie vie, ça doit être hyper chiant si tu jouais en quotidien. Moi j'adore cette petite voix de GPS. Oui, bonjour. À la deuxième, à droite, continuez tout droit. Continuez. D'ailleurs, c'est chiant ça en général. Faites demi-tour dès que possible. Ah ouais, le fait demi-tour dès que possible, alors que tu dis à chaque fois, tu dis mais je peux suis pas, sur l'autoroute, connard. Moi, tu vois, Laura, quand tu dis Jim Carrey, je pense tout de suite à Splendide. Ouais, carrément. Le The Mask. Jolan, ton humoriste ou acteur préféré? Alors, mon humoriste préféré, on va se rejoindre de Théo, mais il n'est plus de ce monde, c'est Louis de Funès. Bah ouais, non mais... Putain, t'as dans le jeu. Oui, et mon acteur préféré, Tom Cruise. Ah ouais. D'accord. Voilà. Mais, attends, mais il est pas très drôle, lui. Louis de Funès est un acteur aussi, hein. Oui, enfin, il a été acteur aussi, mais il est aussi en partie humoriste. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'entends par humoriste? Comment t'expliquer? Je sais pas. je sais pas. Non, pour moi, je voyais humoriste dans le style stand-up, one man show et compagnie, tu vois. Ah non, bah, j'ai mal compris. Ah, non. Louis de Funès, mais acteur humoriste, oui. Enfin, acteur humoristique, oui. Donc, du coup, t'en as deux. T'as Louis de Funès et t'as comment tu m'as dit? Tom Cruise. Par contre, lui qui n'est pas mort, pour le coup. Non, effectivement. Presque. Presque. C'est sympa. Linda, si t'en avais qu'un ou qu'une à garder, ça serait lequel? Moi, j'adore Alain Chabat. Depuis la nuit, la fête. Alain Chabat. Ouais. Mais parce que je cherchais, en fait, je me suis dit, bien sûr, Chabat. Bah, mais oui, mais il a tellement fait peur que... Ouais, c'est vrai, quoi. Shabba parce que il fait plein de choses, parce que Mission Cléopâtre, parce que Burger Quiz, tu vois. Oui. Tout. Et oui, c'est trop. J'avoue que Alain Shabba, il est dans mon top 3, ouais, clairement. Martin, donc Shabba aussi. Ouais, mais du coup, bah, je rajouterai Marina Foïs. Bien sûr. Dans le même genre, enfin, c'est un peu la même famille. Audrey. Ouais, bah Marina Foïs, bien sûr. Aussi dans l'humour noir. Non, mais en plus dans l'humour noir, Blanche Gardin, par exemple. Ah ouais. Une Canadienne, pardon, qui me fait mourir de rire sur Internet. Elle s'appelle Julia Nolke et elle met en scène toutes les petites différences canadio-américaines. C'est pas Québec-France? Elle est pas québécoise, elle fait partie de la partie anglophone du Québec, du Canada, pardon. Ouais. Je crois qu'elle est à Ottawa, certainement. Et elle met en scène des petits sketchs où elle a un espèce de double maléfique dans son miroir. Et son double maléfique est tout le temps bourré, en train de se faire des soins dégueulasses. Et elle est à mourir de rire. Enfin, mirror, mirror, mirror in the wall. Et elle l'appelle et genre... son double maléfique parle hyper mal parce qu'il est bourré, H24. Et bref, tout est très drôle. Julia Nolke sur YouTube, elle est trop bien. Mm-hmm. Eh ben, allez-y. Le mec qui a dit ça, il a l'air convaincu, en vrai. Voyons. Virginie, ton acteur préféré ou ton humoriste préféré? Ben, moi, en fait, je suis assez... J'aime pas rire. Je rigole pas, moi, en fait. L'humour, ça me touche pas. Si, j'adore Louis de Funès. Forcément, ça a bercé mon enfance. J'adore aussi Coluche. Oui. Franchement, oui, Coluche, c'est aussi un atout. Ouais. Shabba, comme Linda. J'adore Marina Foïs. J'adore Les Déchiens. Je suis fan des Déchiens. J'adore ce groupe. J'adore les nuls. Oui. Ah, oui. Shabba. Toujours avec Shabba. Ouais. C'est marrant. Je suis très aussi beaucoup les inconnus. J'attendais quelqu'un les cite parce que. Par cœur. Et pourtant, c'était le fight, les nuls, les inconnus, qui est pour les nuls, qui est pour les inconnus. Mais j'avoue que j'aime beaucoup les deux. Après, je suis plus humour inconnu, mais après, Alain Shabba tout seul, ouais, clairement aussi, quoi. Ouais, clairement. Mm. Ok, bah dites-nous si vous avez des Si tu veux des citations de Coluche, j'ai des citations si tu veux. Allez, vas-y, une citation de Coluche avant de m'écouter Mia Rose. Il y a deux sortes de justice. Vous avez l'avocat qui connaît bien la loi et l'avocat qui connaît bien le juge. Ça veut tout dire. Non, mais en plus, ce qui est cool. Et c'est encore tellement d'actualité. Mais oui. Oui, c'est pour ça. Bah oui, en ce moment, en plus, l'élection américaine. Hein. On s'éclate. Là, j'ai autre chose qui est d'actualité, c'est tant qu'on fait rire, c'est des plaisanteries. Et dès que c'est pas drôle, c'est des insultes. Voilà. Et juste comme ça, on a oublié, Météo, toi, t'aimes qui? Bah moi je rejoins Jolan sur Louis de Funès. Qui est un acteur, ouais. Après en humoriste. Attends, humoriste, je suis en train de penser. Bah j'aimais beaucoup à l'époque dans les années 2000 Gad Elmaleh sur les spectacles. Ouais, c'est vrai. Qu'il avait fait, c'était quand même bien sympa. Bon après depuis moins, hein, mais il y a eu la période Gad Elmaleh, ouais. Ouais, voilà, je dirais. Mais après, je suis team Shabba, je suis team inconnu aussi. Tout ça m'éclate bien, ouais. Théo, t'as connu Eli Kaku, toi aussi? T'es de mon époque? Pas trop, non, pas... Enfin, je Il est connu, il est connu. Il y a aussi un humoriste que j'aime bien, là, je viens d'y repenser à l'instant, je sais pas si vous connaissez, c'est Jeff Panaclock, je sais pas si vous connaissez. Forcément. Il a un nouveau humour spécial, mais c'est vraiment drôle. Si vous voulez, dans le même genre, avec une marionnette, il y a Capucine aussi, une jeune fille talentueuse avec sa petite marionnette. Là, elle est géniale. Dans l'humour noir, tout à l'heure, Audrey, elle a parlé d'humour noir. Il y en a un humoriste qui est célèbre pour ça, Jérémy Ferrari. Ah oui, Jérémy. Lui, il est violent dans l'humour noir. C'est génial. J'adore. Tu allais parler de Bigard aussi. Donc. Non, bah non, lui, c'est l'humour beauf, lui, c'est pas pareil. Oui. Désolé pour ceux qui aiment bien Bigard, mais voilà. Personnellement, moi, je regarde beaucoup de sketchs d'humour. En fait, le principal de mon contenu Facebook que je regarde, c'est ça. Je regarde que des sketchs d'humoristes. Donc, j'ai Jérémy Ferrari, Tom Villa, je sais pas si vous connaissez, c'est un jeune qui fait des vidéos assez sympathiques. Et Laura Lone, elle aussi, c'est bien branchée Dark. Oui, bah oui. Elle chante, elle, non ? Elle chante, oui. Elle fait des chansons horribles. Oui. Oui. Ouais. C'est un peu la sœur cadette de Guédré. Ouais, carrément. Ouais. Alors, je dirais même pas cadet, hein. Elle a dépassé largement. Ouais, c'est violent. Ouais. Non, mais j'aime beaucoup ce qu'a fait Laura Lone, c'est cool. Aussi, c'est clair. Bon, il faut aimer effectivement le second degré, hein, mais après chacun son humour, et d'ailleurs on va reparler hein, tout au long de cette émission quel est votre type d'humour préféré, et ça transparaît. On est assez d'accord quand même hein, sur les humoristes, acteurs préférés dans l'ensemble. On a un peu vieille école, Louis de Funès, ça rassemble beaucoup de monde, les inconnus, les nuls, tout ça. C'est vrai que ça a marqué des générations. Mais si vous avez des nouveaux talents que vous voulez nous faire découvrir, n'hésitez pas à nous envoyer. Tiens, pendant la pause, Linda, tu peux demander à ta fille si elle a un humoriste qui lui plaît. Parce que Léa, c'est la plus jeune d'entre nous, elle a 12-13 ans. Peut-être qu'elle connaît d'autres, des choses que nous, on connaît pas. Marche, je vous dirai ça. Ok, et eh ben écoute, on écoute Pierre-Rose. Avec la reprise d'Ellie Goulding, Burn, sur Indestar. Et puis, dans un instant, c'est Teddy qui va nous parler d'une parodie d'un film qui s'appelle Orgy Movie. Et ouais. Apparemment, il n'y a rien de pornographique là-dedans. Donc, vous pouvez rester les enfants. C'est Indestar. Indestar. Indestar, là où tout commence. Là où tout commence. Bienvenue à la maison sur indestar.fr. Chacun chez nous, nous faisons cette émission pour vous accompagner en ce vendredi soir, premier vendredi confiné, mais non, c'est déjà le deuxième. Voyons, nous sommes là tous ensemble, donc chez nous, il y a Laura, il y a Jolan, il y a Linda, Martin, Audrey, Teddy, Virginie et moi-même, et on est là jusqu'à minimum 23h pour parler de pop culture ce soir, et plus particulièrement sur le thème de l'humour. On a fait un petit tour de table tout à l'heure pour savoir quels étaient nos humoristes préférés, et juste avant d'écouter Mia Rose, Teddy a dit hey, ça serait bien de demander à Léa, non c'est toi, non, c'est pas moi. Audrey qui a demandé demander à Léa quel serait son humoriste préféré, si elle en avait un, et il s'avère que Léa n'a pas d'humoriste préféré. Déteste tout le monde. Léa n'aime personne. Bon. Mais elle n'a pas d'humoriste préféré pour l'instant. Elle aime personne ou elle aime tout le monde, c'est ça, en fait, ça. Finalement. Elle ne sait pas choisir. Exactement. Ouais. On va parler d'une parodie d'un film qui est déjà marrant, d'après ce que j'ai compris. Teddy, ça s'appelle Orgy Movie. Marrant, non. Mais c'est vrai que c'est un peu. Comment dire, c'est déformé l'histoire. C'est presque fantastique, en fait. C'est le film 300, je ne sais pas si vous connaissez. Ah, mais si, oui. Ouais, c'est assez j'ai connu. J'ai juste vu les détournements humoristiques, en fait. J'ai pas vu le film, mais juste en fait, les détournements. Mais le film est à mourir de rire. Si hein. Ça se trouve, t'as vu des extraits de la parodie. C'est pour ça que c'est le détournement de 300. Alors, pour faire le petit speech, 300, c'est guerriers spartiates de Grèce. Ils font partie de Sparte. Et la Grèce est envahie par l'Empire perse. Ils veulent conquérir chaque ville. Ils envoient des émissaires pour leur suggérer de se rendre avant de se battre. Alors les Spartiates, eux, c'est des guerriers. Guerriers, on fait que ça de notre vie. Voilà, glaive, slip en cuir et tout. Ils vont décider de pas se rendre, évidemment. Ils vont essayer de bloquer l'avancée perse à un endroit. Et ils vont y aller, alors avec pas toute l'armée Sparte, justement, avec juste 300 guerriers. Et ils vont bloquer toute l'armée avec 300 gars. C'est pour ça que ça s'appelle 300, d'ailleurs. Hein. C'est pas à cette époque-là où ils ont inventé le cheval de Troie, justement, je crois. Non, enfin, si, c'est dans ces périodes-là, mais c'est de pas. 3, c'est une légende, hein, on arrête tout de suite. Oui, mais ça n'a pas existé. Ça n'a rien à. Enfin, c'est pas les Spartiates. C'est ici à cette époque-là qu'ils ont inventé les virus que Avast essaie. La meuf totalement à l'ouest, quoi. Oui, le cheval de Troie. Attention, cheval de Troie, cheval de Troie. Une menace a été détectée. Exactement, putain, j'ai oublié la phrase. La base virale a été mise à jour. Oh putain, qu'est-ce que c'est énervant, ça. Oh, ah ouais, le chiant, truc qui te rentre dans les oreilles d'un seul coup, qui te fait peur, tu sais. Mais ça n'existe plus, ça, maintenant, ils ont arrêté. Mais si, ça n'existe plus, mais les trois fromages en ont fait une chanson dédiée, parce que pendant un enregistrement studio, non, mais juste, on s'arrête sur les trois fromages, Audrey. Mais oui, mais c'est un groupe trop bien, arrêtez, c'est comme Ultra Vomit. Oui. Ben ouais, mais ils sont trop bien, c'est trop bien. Bref. Et donc, pendant un enregistrement de son, ça leur a cassé les noix, mais sévère. Et ils en ont fait une chanson où ils s'énervent dessus. Et donc, t'entends, la base virale a été mise à jour, ils l'ont remixée, et c'est épique. On pourra le mettre sur la page Facebook d'Indestar. Hein, si je croyais que t'allais nous proposer de le mettre dans la programmation. Non, clairement pas. En jingle. Vous allez avoir la base virale a été mise à jour toute la journée dans les oreilles, les copains. C'est une horreur. Mais c'est très drôle. Oui. Revenons-en à 300. Parce que Oui. Non, à ton. Oui, à Orgy Movie. Du coup, 300, voilà, les Spartiates qui affrontent l'Empire Perse. Voilà, ils gagnent, ils perdent, vous savez pas. Regardez le film, vous verrez. Alors, Orgy Movie, ça reprend la même histoire. Pas du tout avec les mêmes acteurs. Dans les acteurs connus, il y a Carmen Electra, je sais pas si vous voyez qui je parle. Mm-hmm. C'est quand même une actrice assez célèbre, je dirais. Bah bon. C'est pas une actrice de X, ça ? C'est non. Une chaudasse, non, oui, c'est une chaudasse, mais c'est pas une actrice de X. Si, elle faisait partie d'un... Alors, attendez, je suis jeune, donc je connais pas trop, mais il y avait un trio de belles filles à l'époque. Tu vois, t'es dit... Ah, si, je vois. T'es dit avec ta Carmen Electra, là, je t'imagine tout à fait tout seul dans ton studio. Ah, mais tellement, mais... Mais j'ai le DVD en main et je peux te dire que quand on voit une femme comme ça, elle a quand même été modèle Playboy. Hein. Ah bah oui, non mais c'est pas n'importe qui. Wow. Non, elle est sortie avec Prince, mais putain. Mais, c'est pas n'importe qui, je vous dis. Non mais cette meuf, pardon. Ah, ça va être trop bonne. Moi là. Hein. Tu peux redire le nom, je vais regarder sur Carmen Electra. Non mais elle dans le game, elle faisait partie d'un trio. Alors je me rappelle plus, hein, mais c'était un trio des trois plus belles filles du monde, je sais plus quoi, elle en faisait partie. Ouais. Mais bon, c'était à l'époque. Elle a joué dans Alerte à Malibu. Ah, mais oui, c'est ça. Ah, mais oui, c'était la belle brune, la putain, la canon. Ah non, elle est pas brune, elle est blonde. Ça, ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Je l'ai vue, elle était brune. Elle a été brune aussi par moments. Elle a 48 ans, mon dieu. Ouais, mais t'inquiète pas. C'est vrai qu'elle était brune avant, ouais. Ouais, je te confirme. Et en autre acteur célèbre, il y a aussi. Elle échappe. Alors, il y a actrice, mannequin, chanteuse et danseuse même. Bah oui. Évidemment. Oui, c'est tout fait. C'est une nana qui a pas de talent. Attends, dans les images, quand je cherche Carmen Electra, j'ai quand même un truc qui s'appelle Pornhub. Oui, alors c'est normal, c'est parce qu'elle a été beaucoup, comment dire, plagiée entre guillemets, et beaucoup de gens ont voulu. Enfin. Ah, c'est connu! Théo, il est que 21h en ce cas. Non, mais il a raison. C'est parce qu'elle a fait Alerte à Malibu, donc son personnage doit être repris dans plein de jeux de rôle. Enfin, des gens qui se déguisent en Carmen Electra, si tu veux, pour faire du porno. C'est ça. Toutes les actrices célèbres et qui sont un minimum jolies sont repris dans des pornos, clairement. Ça se fait pas d'ailleurs, entre guillemets. Mais bon. Elle a un peu grossi dans ses dernières vacances en Grèce avec son fiancé Rob. Ouais, 48 ans. Et d'où tu critiques, toi? Tu t'es vu? Elle a 48 piges, je vais dire un truc. Ouais. Moi, franchement, à son âge, j'aimerais bien être conservée. Ah, pareil. Franchement, à son âge, je veux être pareil. Elle est pas conservée, elle s'est fait refaire partout, non? Oui, aussi, oui. Il y a un peu de plastique. Mais... Ouais, bon, bah quand on a des thunes, on a des thunes. Hein. Voilà. Voilà. Bah bon. Et on fait ce qu'on veut, en plus. Il y a elle. On est en train de détourner le sujet là. Laisse tomber. Je viens de trouver un petit article par rapport à elle, complètement d'actualité, qui s'appelle Carmen Electra réchauffe les confinés en posant entièrement nu. Ah, elle fait un OnlyFans. C'est trop ça. Je crois pas qu'il y en ait. Moi, je sais pas. Mais bon, elle est vachement au courant. Oui. Elle a aussi joué dans Scar Movie apparemment. Oui. Elle a joué une blonde qui se faisait tuer au début. Ah. La toute et première elle a blonde. Joué dans le sexy c'est pas celle qui s'occupe de la grand-mère au début, non? Non, tu sais, dans le premier Scary Movie, il y a le tueur, il arrive, il plante le couteau dans le nibard d'une nana, et t'as l'implant mammaire qui sort. Ah oui. C'est Carmen. Oh voilà, c'est pas la seule actrice connue. Il y a aussi Kevin Sorbo. Il joue dans la série Hercule. Alors ça aussi, ça date. C'est encore avant ma génération. Ouais. Je sais pas si vous connaissez, il a joué dans beaucoup de trucs fantastiques. Donc voilà. Et il y a aussi le rappeur Exhibit. Je sais pas si ça vous parle ça aussi. Non. Si, ouais, de nom. Il a fait partie de l'émission Peep My Ride. Peep My Ride. Ouais, j'adorais cette émission. Mais oui, je pense que c'était trop bien. Une émission télé, ça. C'était une émission télé. À chaque fois, ils repimpaient les voitures. C'est ça. Regarde, il y a un aquarium à l'arrière de ça. Je te mets un jacuzzi, je te mets tout ce que tu veux. T'adores le basketball? On va mettre un panier de basketball dans ta caisse. C'est exactement ça. Il y avait un gars, il voulait pécho de la meuf, et du coup, ils ont dit « Hey, regarde ce qu'on a mis à l'arrière de ta caisse. On t'a mis un distributeur de roses. » Oh non. C'est pas vrai. J'aimerais bien voir ça dans un taxo, moi. Ah ouais, mais c'est grave. Ce gars-là, c'est lui qui a animé cette émission. Donc, on voit à peu près sa tête, c'était un rappeur. Et il joue là-dedans. Donc, il y a quand même du monde dans le casting pour une simple parodie. Oui, non, mais on est d'accord, ouais. C'est... En plus, t'as le DVD, donc c'est... attention, ça s'est vendu. Ouais, je sais pas si ça s'est vendu. Mais... Ah, t'es dit l'a acheté en tout cas. Ouais, ouais, ouais, clairement, ouais. Et alors. Dans le DVD, au tout début, il y a la sélection des Spartiates. Quand t'es un bébé Spartiate, qu'il naît, eh ben, ils sont pas tous acceptés. Il y en a qui sont rejetés. Ils sont jetés dans une fosse. Ceux qui sont pas musclés ou qui sont pas qu'ont pas de barbe. Ouais, c'est bizarre, ça mais dans fait, la parodie, c'est ça. Ça fait très eugénisme nazi, hein. Oui, oui, oui, mais clairement, mais en gros, pour choisir les bébés dans Orgy Movie, ils prennent les bébés qui ont des abdos, qui ont de la barbe et qui font aouh. Si le bébé il fait pas ça, il est viré. S'il est vietnamien, ouais, il donne à Angelina et Brad Pitt. Ça c'est. D'accord. C'est de la bonne vanne. Logique. Oui. C'est logique. Oui, c'est logique, mais c'est toujours de l'humour. Comment dire. En fait, à chaque seconde, à chaque phrase, tu comprends tout de suite de l'humour. Et tout à l'heure, on en parlait avec Jolan. Il y a une fameuse scène dans 300 où qu'il y a un trou. Il y a un trou à Sparte. C'est un grand puits et il y a l'émissaire des Perses qui vient à Sparte pour leur demander de se rendre. Ils discutent avec leur roi et dans Orgy Movie ils discutent, voilà, ils vont vers le puits et il y a le célèbre coup de pied où que le roi Léonidas ils disent Vici Sparta, c'est un mème hein, qui a été réutilisé même plusieurs fois. Il pousse l'émissaire dans le trou. Dans la parodie il fait pareil, sauf qu'après il y a une émission célèbre, je crois que c'est X-Factor, où il y a trois jurés. Il note son coup de pied, il pousse le juré, il y a Britney Spears qui apparaît, il pousse Britney Spears dans le trou, il pousse plein de gens dans le trou. Voilà, il se barre et après il allume un bouton, c'est le broyeur d'ordures. C'est une parodie. Ah, c'est léger quoi. Ouais, c'est léger. Ça a l'air passionnant. Mais oui. C'est compliqué d'expliquer des blagues comme ça à l'oral. Oui, par contre, en vrai. Oui. En visuel, ça rend beaucoup de choses. C'est comme, il joue sur le côté aussi des Spartiates, c'est des gros guerriers qui ont presque pas d'armure. En vrai, si vous avez vu 300, ils ont un slip quoi, et des bottes. Hein. Ils ont un slip, des bottes, un bouclier, une épée, un casque. Voilà, fin. Une cape. Leur célèbre cape rouge. J'avoue. Dans la parodie, ils vont jouer là-dessus en disant qu'ils sont tous gays. Et c'est, enfin, ils sont tous gays en fait. Comment dire. Enfin, dans la parodie, ils font tapement 5 pour dire bonjour aux femmes et un baiser pleine bouche pour dire bonjour aux hommes. Excellent. C'est trop bon. D'accord. On voit que Teddy que ça t'a marqué. Ouais, clairement. J'ai regardé ça quand j'étais jeune. Teddy à fond. Ouais. Puis on dit, ah oui. Attends, la vanne. Ils font un bisou au début. Ouais. Faut la voir. Mais ouais, c'est. Ah bah oui, mais je suis un connaisseur pur souche. J'ai regardé ça, je sais pas combien de fois. En fait, c'est mon deuxième DVD. Parce que le premier, il était tellement regardé qu'il était. Il marchait plus. Il était rayé le truc à force. Mais il a dû acheter le deuxième. Oh c'est là clair. Mais en vrai, il y a plein de parodies dedans. Ce que je suis en train de regarder, il y a plein de monde. Il y a des. Comment dire. Il y a des parodies, mais de partout. Il y a. Des fois, tu vois. Comment ça s'appelle. Transformers. Des fois, tu vois GTA, Saint Andreas. Ouais, y a Grease, y a Fight Club. Oui, y a Rocky Balboa. Y a Ghost Rider. T'as plein de trucs qui viennent, tu comprends pas pourquoi. En vrai, ça me donne envie d'aller le regarder. Mais ouais, franchement, si vous voulez un bon film à regarder entre potes ou même en famille, allez-y, pas de problème. C'est parce que ça s'appelle Orgy Movie, mais au final, il y a pas de sexe ou plus que ça. Hein. Ou Spartatouille. Ou Spartatouille, voilà, oui, parce qu'il est connu sous deux noms, Orgy Movie ou Spartatouille. Voilà. D'accord. Ouais, Spartatouille, ça fait plus ce genre, tu sais, ça me fait. Ça fait penser à Ratatouille, ouais, pareil. Plein de choses dans une gamelle et ça fait mignon, ouais. Bah, Orgy Movie, tu te dis, c'est quoi comme type de film quand même. T'as pas envie en fait, tu te dis, oula. Bah, tu te demandes où est-ce qu'il l'a téléchargé, quoi. Oui, ça. C'est ça. Ouais. C'est et pas faux. Et peut-être pas qu'on a eu des virus sur l'ordinateur, que la base de données a été mise à jour. Franchement, je vous invite à le regarder parce que c'est vraiment un de mes coups de cœur de film humoristique. Après, il y a Jim Carrey aussi qui a fait beaucoup de films humoristiques qui sont sympas, mais ça, c'est l'horreur. Oui, mais qui... je vais en parler plus tard. T'es voilà. Ouais, exactement. Parce qu'avant, on va avoir une BD. Une BD que je connais depuis fort longtemps. C'est celle de Léonard le Génie, dont je vais vous parler dans juste après Joachim Carru. Donc, on va écouter Rock Angel sur Indestar. Et Léonard le Génie qui arrive avec son disciple et son chat qui a le même nom que mon chat. Je vous le révèle dans 3 minutes. A tout de suite. Wow. Indestar, là où tout commence. Bienvenue à la maison sur Indestar en ce vendredi soir. Ça y est, c'est la fin de semaine. Une semaine peut-être un petit peu compliquée pour vous parce que Vous avez peut-être commencé à télétravailler ou alors pour aller au travail avec les attestations, tout ça, c'est pas facile et on le comprend. Nous, sur Indestar, on est là et on est chacun chez nous pour la première émission à la maison. On a décidé tous les lundis, entre 21h et 23h et tous les vendredis, à la même heure, de vous faire profiter d'un petit apéro qu'on prend tous ensemble pour parler notamment en pop culture le vendredi et ce soir plus particulièrement de l'humour en pop culture. On a abordé les artistes qu'on aimait bien, on a abordé la parodie de film 300 avec Teddy. Et là, j'aimerais vous parler d'une BD que je connais depuis fort longtemps, puisque bon, alors, la BD a 45 ans déjà. Hein, et moi, je connais ça depuis 45 ans, puisque j'ai découvert ça quand j'étais à l'école primaire. C'est Léonard est un génie. Cultissime. La cultissime. Est-ce que tout le monde connaît dans l'équipe ou il y en a qui connaissent pas cette BD que je ne connais pas. Moi, je connais. Un comic exhibit juste de nom. D'accord, ok. Donc on est à peu près à moite-moite. Alors il y avait moi, il y avait les premiers tomes qui étaient dispo à la bibliothèque de l'école. Donc je les ai lus, relus. Et puis après, je crois que j'ai à peu près toute la série. Parce qu'il y a de l'humour, parce qu'il y a plein de jeux de mots et parce que j'adore ça, voilà. Alors pour la petite histoire, c'est De Groot, donc c'est le scénariste qui a créé un personnage similaire pour un autre projet à l'époque, donc on est en 74-75, hein. C'est bon effort, c'est bon effort. Et il s'est dit que ça mériterait bien une BD rien que pour ce personnage, donc il va s'associer à Turk pour le dessin et il va lancer Léonard est un génie. Léonard qui est une caricature de Léonard de Vinci, hein, et d'ailleurs pour la petite dédicace, ils ont lancé une boutique Léonard à Amboise où nous avons les studios là. Oui. Justement sur Léonard de Vinci et ce personnage de la BD Léonard qui habite dans la BD le village de Vinci, petit village italien où il a sa maison, où il habite aussi avec Basile. Alors Basile, c'est son disciple qui prend cher à chaque fois. Ne. Et nous avons le chat, et j'ai dit avant de la musique que je vous révélerai le nom de mon chat qui vient de ce chat de la BD Léonard qui s'appelle Raoul. Raoul Chat-Tigret. Ah oui, c'est Rara pour les intimes. Raoul Chat-Tigret, c'est un chat qui parle pas au début mais qui finalement après va parler et qui est vachement intelligent. Donc je me suis dit, si j'ai un chat, un jour je vais l'appeler comme ça il va devenir super intelligent. Est-ce qu'il est intelligent? Non, il est très mignon, mais il est pas inventé le chaud. Ça, c'est l'excuse. On dit, il est très mignon, c'est pour pas dire qu'il est con. Exactement. Il est sympa, quoi. Il est con, mais sympa, tu vois. Voilà. Ouais. Il est bavard. Il est bavard aussi, c'est vrai. Dans la famille, il y a aussi, la grande famille Léonard, il y a Mathurine qui est la femme de ménage et la cuisinière également, et qui aime pas qu'on traîne les pieds par terre sans enlever les chaussures parce que sinon ça va pas. Il y a Bernadette qui est la souris et bizarrement qui est copine avec le chat. Hein. Et puis il y a un autre personnage secondaire qui s'appelle Yorick et qui est un crâne en fait qui Yorick, est. C'est très nordique, je trouve. Un peu. Oui, bah oui, non, c'est ça. C'est un crâne qui est posé sur le bord de la fenêtre et qui parle lui aussi et qui rajoute des touches d'humour de temps en temps avec son en rapport avec son statut, tu vois, du genre tout ça me prend la tête, enfin des choses comme ça. Voilà. Et c'est très drôle. Et puis au fil des tomes, d'un tome en général, on a la plupart du temps une histoire qui prend, allez, on va dire un tiers du livre, c'est l'histoire principale qui fait le thème de la BD. Et puis on a plein d'autres petites histoires qui peuvent durer une, deux pages en fait dans la BD. Et toujours sur le même concept, c'est-à-dire que Léonard invente un nouveau concept, alors plus ou moins abouti, et qui va laisser le soin à son disciple de tester. Parce que déjà le disciple il a pas le choix, hein, très clairement. Et puis il est pas très fin, donc de toute façon il fonce. Il a sa devise dans la tête du premier numéro. Je sers la science et c'est ma joie. Bon après il en est plus trop persuadé parce qu'il se fait défoncer à chaque fois, mais il s'en remet. Même s'il est en miettes en fait à chaque fois avec un petit peu de colle et un petit peu de pansement au bout de deux bulles, il s'en remet. Donc ça va bien. Heureusement parce que sinon on n'aurait jamais le disciple. Ça commence en fait, on sait qu'il va se faire détruire dès la première, dès l'intro de la BD, parce que il se fait toujours réveiller par des techniques mises au point par Léonard. Alors ça peut être soit un tractopelle qu'il vient chercher dans son lit, soit un robot maléfique on sait qu'il va morfler quoi le gars. C'est ça que j'adore. Ramasser l'escalier, le plafond, on sait pas trop quoi. Quoi qu'il arrive, il le sait de toute façon. Voilà. De quoi, Teddy ? Quoi qu'il arrive, il le sait qu'il va y arriver une couille. Il fait tout pour éviter, en fait. C'est exactement ça. Et puis le disciple est un c'est un dormeur. Il essaye de se cacher partout où il peut, même déjà des fois dans un pot de confiture, il essaie de se cacher pour pas qu'on le réveille. Mais Léonard finit toujours par le trouver. Et de quoi? Mais si petit que ça, le disciple de Léonard. Non, mais il sait se fondre dans le décor, mais pas assez, en fait. Et puis, là, le comique de situation fait que oui, il peut se fondre en fumée, ou voilà. Ah bah c'est de la BD, hein. Et puis sinon, il y a le chat Raoul, donc il peut pas se passer à chaque fois de faire ses petits commentaires par rapport à la situation, il est obligé de sortir des vannes. Et tout ça, ça donne un mélange que je trouve globalement très drôle. Bon, encore une fois, il y a des épisodes, enfin c'est comme tout, hein, il y a des épisodes plus ou moins réussis. En plus, la BD a 45 ans et il y a plus de 50 tomes. Il y a combien de tomes? Ah oui, 50. Ouais, un peu plus de 50, je crois, 51 ou 52, quelque chose comme ça. Et ils en font toujours ou pas actuellement, ils en font toujours, ouais, tous les ans, il y en a au moins un qui sort, ouais. Alors bon, il y en a qu'on tourne un peu en rond, mais là, il y a à peu près une dizaine de tomes. Les derniers, c'est plus de Groot qui écrit, il a été remplacé par Zidrou. C'est vrai que dans les derniers temps avec De Groot, on avait l'impression de tourner un petit peu en rond. Depuis qu'il y a Zidrou, je trouve que ça a gardé le même esprit, mais ça apporte des nouvelles idées et ça relance le concept. Je suis plutôt satisfait des nouveaux épisodes, même si j'avais peur, tu vois, au moment du changement, comme tout changement, hein, tu te dis bah qu'est-ce ma BD préférée va devenir. Mais non, franchement, ça relance le concept et moi, très clairement, je suis fan de cette BD, hein, voilà, et je suis fan des, il y a des anachronismes, mais qui sont volontaires, il y a des jeux de mots, en veux-tu, en voilà, on n'a pas à nous proposer pour nous donner une idée? J'en ai pas une là sous la main, mais, ce qui est cool, en plus, c'est que tu peux avoir une deuxième lecture, des fois, tu vois, tu peux lire assez rapidement, et puis, en fait, quand tu fais gaffe à, parce que les bulles de Raoul, et puis, Bernadette et Yorick, des fois, elles sont un peu plus petites, et, quand tu les relis, tu fais, ah ouais, ils ont rajouté la petite phrase qui va bien par rapport à la scène, voilà, c'est top, quoi. Donc, il peut y avoir, même en fonction de l'âge, c'est une BD que je peux conseiller à partir de, allez, on va dire 8-9 ans, quoi, très clairement. Mais on n'a pas forcément la même perception quand on la lit à cet âge-là. C'est à cet âge-là que j'ai commencé à la lire. Hein. Et quand on la lit quelques années plus tard, où il y a des références en plus par rapport à l'actualité, voilà, que ça soit sur l'écologie, que ça soit sur la politique, etc., etc. Donc c'est plutôt cool parce que le fait que Raoul se mette à parler et puis qu'il y ait ces petites phrases là et tout ça, ça rajoute. Il n'y a pas de nouveaux personnages qui arrivent au cours de la BD. Donc ça, c'est peut-être, enfin, ça pourrait être un petit peu dommage parce que c'est là où on pourrait se dire que ça tourne un peu en rond. Mais par contre, il y a des personnages quand même qui évoluent. Et comme au moment où Raoul se met à parler, parce que je crois que c'est suite à une potion ou il y a quelque chose du genre. C'est parce que Basile fait une bêtise. Il fait lâcher l'eau dans la ville qui se mélange à une préparation de Léonard. Ça doit être ça. Et Raoul boit la tasse. Et se retrouve doué de la parole. D'accord. Eh ben écoute, je me rappelais plus de cet épisode-là, mais je me doutais que voilà. De toute façon, Basile fait toujours des bêtises, hein, très clairement. Donc il y a deux trois fois, enfin schématise, hein, mais deux trois fois dans la série où il a des idées de génie et on se dit ah mais non, qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais globalement, c'est Léonard le génie et il s'en vante. Hein, c'est le meilleur, voilà. Il aime bien mettre des statues à son effigie et tout le tralala. Basilus Simplicius, hein, très clairement. Et puis après, on a le chat, enfin, les autres protagonistes de l'histoire. Maturine, c'est la râleuse. Et puis les autres, que ça soit le chat, la souris ou le crâne, ils ont des réflexions qui sont souvent très intelligentes, quoi, par rapport à la situation. C'est pas faux. Voilà ce que je voulais dire sur le Léonard. Ouais. Ouais, Léo, Audrey. Oui, et si Zidrou, ça vous dit peut-être quelque chose, parce que c'est l'auteur, entre autres, de L'élève du cobu. Ah, et aussi un BD humoristique, oui, où il y a eu des films récemment. Oui. Mm-hmm. Et il fait un super duo avec un autre dessinateur qui s'appelle Monin. Et toutes leurs BD sont absolument incroyables. Mais bon, pardon, je m'égare. Non, mais t'as raison, parce que moi j'ai beaucoup aimé la reprise. C'est bien de souligner son talent aussi, parce que ça doit pas être évident, tu vois. C'est comme quand tu remplaces l'auteur d'Astérix ou Lucky Luke ou peu importe, mais quand tu reprends une BD qui a 30-40 ans, tu veux y apporter du nouveau, mais en même temps t'as des contours qui sont quand même bien définis et t'as tes fans, donc c'est pas ça doit pas être si évident que ça, quoi. Voilà. C'est le gros blanc là. Oh, t'as fait un bide total. Bah, c'est les inconvénients de l'émission à la maison, c'est que effectivement des fois on sait pas, on oui. sait pas comment on va réagir. Puis, si on parle tous là, en même temps, on s'entend y plus pas après. Réaction sur Léonard est un génie. Pas du tout, c'est qu'en fait en règle générale, je te regarde. Je te regarde, je t'observe. T'es beau. Mais là, je peux pas. T'es beau, regarder. Yann. T'es mais, où mais j'adore cette BD. J'adore cette auteure et c'est une très bonne idée d'avoir évoqué Léonard parce que finalement, en plus de ça, Léonard, c'est un peu dans notre terroir quelque part. Ah bah, clairement, oui. Non, les châteaux d'Amboise et puis, et puis comme je l'ai dit, c'est vrai qu'on a même une boutique Léonard qui s'est ouverte il y a une petite année sur Amboise. Et si vous aimez la BD, bah vous pouvez, j'imagine qu'ils vendent par internet hein, aussi, Linda. Oui, certainement, oui. Ouais. Et en plus, il fait des repros sur tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, moi j'ai les petits magnets sur mon frigo qu'on m'a offert et très content. J'ai mon petit Raoul virtuel sur le frigo. Et vous tous, c'est quoi votre BD humoristique préférée? Qu'est-ce qui vous a fait rigoler avant de vous endormir le soir, ou qu'est-ce qui vous a fait rire le mercredi en regardant une BD? Je rigole pas. T'es comme Léa, toi. Laura, t'aimes bien les trucs glauques, non? Ouais, je mange du sang avant de m'endormir, c'est très relax. Non, mais en vrai, j'ai jamais été une grande fan de BD. Enfin, il y avait des BD de Tintin qui traînaient et qui appartenaient à mon père, mais sinon, en soi, ouais, c'est pas un univers qui m'a forcément attiré, mais pour autant, enfin, je conçois que ça ait du succès et que ça fasse rire, quoi. Mais moi, personnellement, j'ai pas vraiment été dedans. Non, mais y a pas de souci, Jojo. Oui. On fait quoi là, on est où? Non, mais c'était quoi la question déjà? Rien, c'est bien ce qu'on dit. La question de Virginie était quelle BD tu préfères? Quelle BD humoristique. Humoristique. Quand t'étais jeune, est-ce que tu lisais de la BD? Oui, mais j'arrive plus à me rappeler le nom. C'était Kit Paddle. Et de quoi? Kit Paddle. Ah ouais. Kit Paddle. Je sais pas comment ça a vieilli ça maintenant. Mais ça existe plus. Ça vieillit bien toujours. Ça se très bien. Ça existe plus. C'est fini. Ça existe encore. Il dessine encore le mec de Kit Paddle. Ouais, mais il doit faire autre chose. Ouais. Voilà, c'est une BD qui m'a marqué pendant mon enfance et qui me faisait énormément rigoler parce que j'étais déjà geek dans l'âme, donc et ça représentait bien un peu les. Ouais, puis c'était la seule BD dans le genre qui s'adresse un peu aux gamers, quoi. Un peu, ouais. T'étais déjà gamer, ouais. Linda, en 1930, tu lisais quoi? Non, ça suffit. Oh, le journal. Non, moi je lisais plutôt Astérix, Obélix et Astérix. Ah c'était bah bien, oui, un classique. Bien. Non mais oui, bah oui, classique parmi les classiques, mais c'est cool Astérix. Ouais. Mm. Bah oui. Martin? Moi j'aimais beaucoup les Titeufs. Je crois que je les ai tous. Ah oui. Ah trop bien. Et je me dis de plus en plus, faudrait que je les relise pour comprendre ce que je comprenais pas quand j'étais gamin. Mm-hmm. Bonne idée, bourré de références au sexe, à des trucs d'adultes, et moi je me souviens, il y a plein de... Tu passais à côté en fait, en vrai. Ouais, ouais, plein de pages, ouais, c'était marrant, mais je comprenais pas trop le délire. Non mais il y a plein de BD comme ça. Il y avait la BD Titeuf aussi, il y avait des trucs un peu drôles dedans, je trouve. Humoristiquement parlant. Bah je pense que tout le monde a trouvé des trucs drôles dans Titeuf. Ouais. Ah forcément, il fait que des conneries. Ah donc, oui. C'est un des buts de la BD. De quoi, Zep. Enfin. Et puis c'est Zep en fait, c'est son univers. Ouais, c'est pas faux. Non. Et toi Audrey, t'en as? Toi Teddy, tu lisais quoi? Alors j'ai pas beaucoup de BD d'humour. Ou alors peut-être Lou. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ah ouais. Ah oui. C'était pas bien Lou, mais. Lou, j'aimais bien moi Lou. Ah oui. C'est plus récent par contre. C'est pardon, je suis jeune. Non, je déconne. Allez, non, je déconne. Non, mais c'est une petite fille qui. Ouais, clairement. Clairement, crâne. Je sais pas, elle essaie de pécho à un gars, puis des fois c'est avec sa mère, des fois c'est. Enfin, c'était sympa. Quoi. C'est son journal un petit peu intime, des fois. Oui, c'est voilà, son c'est journal, ça. Ou... C'est... Ah oui, ok. Et la sympa. BD évolutive, on la suit quand oui. Plus les tomes avancent, plus elle grandit. C'est vrai. Et le film aussi. Ça ils va. Ont pu. Ouais. Audrey, c'était quoi ta BD préférée? Alors moi, quand j'étais petite, je lisais pas de BD, parce que ça m'a... Ah Genre, j'étais hyper frustrée de dire j'achète un truc, enfin j'achète, c'est pas moi, mais on m'offre quelque chose et je le lis en 10 minutes. Ça me frustrait beaucoup. Donc j'ai lu de la BD un peu au CDI, comme chacun sait, tout au collège ou tout au lycée. Après, en BD humoristique, ouais, on va rester sur du... Ah si, j'avais les Kazakhs bleus. Ça me faisait beaucoup rire quand j'étais petite. C'était des BD de mon grand-père. Et c'était pendant la guerre de sécession. Mmh. Et les Kazakhs bleus, alors, hop, cherche vite fait sur l'internet musical, puisque je n'ai pas de cerveau. La BD. Ah, sur la BD de mon père que je lisais, c'était Les Quatre As. Je sais pas si ça. Ça dit quelque chose, ouais. C'est vieux, ça. Je même pas. Mais ouais, c'est vieux. Ouais. Michel Vaillant. Michel Vaillant. Les BD de Tonton. De Tonton, ouais. Mais Les Quatre As, c'était cool. Ils avaient une voiture qu'ils avaient construite eux-mêmes. Et ils partaient en vacances avec. C'était chouette. Ouais, il y avait une BD, j'arriverai pas à me rappeler le nom, mais les dessins m'ont vachement marqué. C'était. Le cliché des motards et tout. Joe Bartim. Joe Bartim, voilà, je cherchais le nom. Mon père regardait ça à l'époque et du coup, je les disais aussi, ça me faisait mourir de rire. Moi, j'ai été bercé justement, parce que je rebondis un petit peu, parce que personne ne me demande ce que j'ai mis. Et j'allais te demander, t'inquiète pas. Je ne t'oublie pas. En fait, en plus des Gaston Lagaffe que j'ai lu et relu, c'était Joe Bartim à fond, quoi, avant d'exercer dans cette branche au niveau métier. Joe Bartim. Et dire je penche donc je suis, quoi, ou ça passe pas. Et quand tu lisais et que tu regardais ses planches, tu disais putain, il penche, mais il va pas passer. Bah non, il passe pas. Et c'était juste énorme, quoi, parce que les mecs ils se prenaient pour des pilotes de circuit et c'était juste c'est un truc à lire et à vivre, parce que tu te fends la gueule en fait quand tu lis ça, c'est juste énorme. Donc je vous recommande la lecture de Joe Bartim si vous voulez vous payer une tranche de rire, tout comme j'aimais les Astérix forcément, et j'aimais aussi beaucoup les Gaston Lagaffe, et pas que, j'ai d'autres lectures BD qui sont très bien. Ce sont des Fluides Glaciales. Vous pouvez les trouver sous forme de BD. Vous avez les Little Kevin. Les Little Kevin, c'est que du noir et blanc. Hein. Par contre, au niveau des planches, il n'y a pas du tout de couleur. Mais Little Kevin, c'est énorme. Vous avez Sam Speed, toujours dans l'univers de la moto. On parle gaz, on parle échappement, on parle moto, on parle viril, on parle. Si on a. Virginie, elle nous fait un croisement de PK Avenger, de Starter. C'est ça. Si on n'a pas compris avec ça qu'elle aime pas la moto, c'est qu'il y a vraiment un problème. Ouais, clairement. Si vous voulez sourire et vous évader quelques temps hors la télé, je vous recommande effectivement les BD telles que effectivement celles que je viens de vous dire. Moi, à chaque fois, je me marre. Je me marre en feuilletant. Quoi. Voilà. Ok. T'as retrouvé, Audrey, les... Oui, petite correction. Ouais, c'est pas les Kazakhs bleus, c'est les Tuniques bleues de Covin et Salverius. Et dedans, on suit le caporal Blutch, qui est vraiment une grosse feignasse. En fait, il veut pas aller à la guerre, hein, clairement. C'est limite un déserteur. Et même son cheval, Arabesque, fait le mort. Quand il entend un coup de fusil, le cheval tombe. Ah oui, donc toute la famille est feignasse, quoi. Bah, c'est plus que feignasse, en fait. C'est qu'ils sont terrorisés par la guerre et ils veulent pas y aller. Et il est chapeauté par Cornelius Chesterfield, qui est son chef de rang, quoi, son chef d'armée. Et c'est très drôle. Alors, quand tu lis petite, c'est très drôle. Quand tu lis plus tard, tu vois qu'il y a un vrai point de vue sur les horreurs de la guerre et tout. Et ça te fait réfléchir aux choses. Mais j'ai regardé aussi dans mes BD qui puent la naphtaline, là. Je suis retombée sur Benoît Brisefer. Je sais pas si vous connaissez. De nom, c'est vieux comme le monde. Ouais, mais c'est un petit gamin. C'est comme Fifi Brin d'Acier, mais avec un garçon qui est extrêmement fort et qui va pas se rendre compte. Enfin, qui se rend compte de sa force, mais il a genre 5 ans, 7. Non, il doit avoir 7, 8 ans. Et il fait que des bêtises, genre sur la BD que j'ai, c'est Hold Up sur pellicule. Et on voit, il a tordu la porte d'une banque et il se ramène avec les lingots en suivant un cambrioleur en étant persuadé d'être gentil, de l'aider, tu vois. Genre. D'accord, ok, ah oui. Et il y avait des bêtises malgré lui, quoi. Oui, c'est ça. Genre, il est naïf, en fait. C'est un enfant. On utilise sa force pour faire des bêtises. Et il y avait Achille Talon aussi. Oui. Ah oui. Vieux comme le monde. Puis bien sûr, les Schtroumpfs. Tous ces classiques de classiques. J'aimais beaucoup les Schtroumpfs et j'aimais beaucoup faire dire les Schtroumpfs à ma grand-mère qui ne savait pas du tout le prononcer. Et c'était très drôle. Ça donnait quoi? Oui, je veux bien vous lire votre BD là, vous savez, les Schtroumpfs. C'était assez drôle. Un bisou à ta grand-mère. On a la chance aussi en région Centre-Val-de-Loire d'avoir un festival de la BD qui a lieu tous les ans à Blois. Et les tuniques bleues notamment, j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur de la BD. Trop bien. À l'époque, on avait des autocollants. On avait des pins et des autocollants. Et j'étais parti les autocollants justement de ce festival. Les stickers. Et ben moi j'ai eu la chance de rencontrer De Groot, donc de la BD Léonard, qui est venu sur un festival BD à Saint-Ouen-les-Mines, donc dans mon village. Ah, ouais. Ouais, et j'ai un poster dédicacé par De Groot avec un petit Léonard sur l'intro d'une BD, sur la première de couve. Stylé. Et moi j'ai rencontré Spirou. Oh, très bien. Non, mais parce que en vrai, c'était en début d'année 2020, donc avant toute l'épidémie qu'on connaît aujourd'hui. J'étais partie en week-end à Bruxelles qui est la capitale de la BD, forcément. Et du coup, on s'est rendu à l'Atomium. Je sais pas si vous voyez ce monument, enfin, voilà, qui a une forme d'atome et qui a servi pour l'exposition universelle de 1858. Ah, voilà. Bien. Et oui, c'était hier hein, pour toi. C'est l'époque de Théo. Et du coup, quand tu rentres dans l'Atomium, enfin j'étais avec mon copain, et quand on est rentré dans l'Atomium, genre à peine tu montres ton billet d'entrée, hop, il y a Spirou, il te prend la main et il te fait en mode hey, photo, et bim bim, tu prends des photos avec lui, tout ça pour avoir une photo de lui à la sortie. Genre, oula, j'ai vécu une agression. T'avais même pas envie, t'es. Il te demande même pas, il te prend juste la main et vite, allez, photo, bim bim, t'es en mode oulala. Tu sais, tu détestes Spirou, mais t'es obligé de prendre. Et ouais, et surtout qu'à la fin du parcours de l'Atomium, tu as déjà les photos imprimées sur des porte-clés et des photos imprimées partout. Commercial, bonjour. Au Walt Disney, quand tu fais des trucs de montagne russe et tout, tu fais les photos, tu vois les gueules, tu fais à la sortie. Ouais, c'est ça, que c'est comme dans les parcs. T'es pas obligé, mais c'est une proposition. Ça, Disney, on en parlera à un autre moment. Oui, ouais. On en parlera vers Noël. Dans un instant, on va parler de Jim Carrey. Avec la série Kidding, c'est ça Exactement, enfin Kidding, c'est je loupe un bout, pardon, il y a Linda avant. Pardon, Laura. J'ai cru que c'était mon entrée, mais non, ce n'est pas mon entrée, c'est mon dessert. Exactement. Laura sera bientôt là pour nous parler de Jim Carrey, et avant on aura Martin avec South Park, et Linda, tu vas nous parler des meilleures répliques de films drôles. Français. Il y aura quoi? Il y aura des petites choses à trouver, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est un jeu, faire en fait. Un petit quiz. Il y a un quiz, ouais, tout à fait. Et juste avant, on a Ocean Avenue avec Oui ou Non, c'est la reprise d'Angel en version remix. Et c'est maintenant sur Indestar. On vous souhaite une agréable soirée parce que nous, on est là jusqu'à 23h pour vous accompagner, donc forcément être bonne cette soirée. Indestar. Alors, la musique est une chance, et nous avoir ce soir, on sait pas trop. Mais si. Avec vous jusqu'à 23h sur Indestar, toute la petite équipe, chacun chez soi, toute la petite équipe ou grande équipe, hein, puisqu'il y a Laura, il y a Jolan, il y a Teddy qui est en studio et qui chapeaute le tout, Linda aussi, Martin, Audrey, Virginie, et je suis là aussi, pareil, pour vous parler d'humour, pop culture, et pour nous parler des meilleures répliques de films drôles avec toi, Linda, et tu nous as préparé un petit quiz, et d'ailleurs vous pouvez jouer à la même évidemment aussi. Alors on va faire un petit peu une règle ce soir, comme ça sera plus propre. Celui qui veut répondre en premier, il dit son nom, et comme ça c'est lui qui sera en prompt, quoi. Non, ça veut dire. Sinon ça va être une cacophonie, et je pense que ça va aller très vite. Je pense que ça va être quand même une cacophonie, parce qu'on a essayé de faire l'émission Halloween samedi dernier avec des sons, et il paraît que c'était inaudible. Donc on s'excuse par avance, mais ça va être J'en ai mis très peu, du coup, parce que justement je savais, mais j'en ai mis un peu pour le fun quand même. Si vous à la maison, vous avez le bon son. Donc, si ça gêne pas, Linda, c'est pas de notre faute, c'est parce qu'on n'entend rien. Je vais faire l'arbitre. Dès que j'entends quelqu'un prononcer son nom, je vous dis. Vous dites pas la réponse tout de suite, vous dites que votre nom. Voilà, c'est ça. Voilà, d'accord. Et, ouais. Je choisirai la personne que j'entends en premier. Chercher, en fait. Voilà. Mais du coup, on peut dire son nom dès le début. Quoi. Oui. C'est là. Ouais, mais c'est pas joué, ça. C'est pas joué. Parce que moi, je peux pas jouer. J'ai les trucs. T'as tout, toi. Elle a les réponses sous les yeux. Ouais. Exactement. Alors, je vais vous donner la première réplique. Vous êtes prêts? Oui. Alors, ça donne. Si je connais le con qui a fait sauter le pont. Ah la oui septième. La septième, hein Virginie oui. La septième. Non, elle fait du Théo avant. La septième compagnie. Bah oui. Là, avant. J'aime bien quand ça respecte les règles. J'aime bien quand ils ont tout compris. Puisque tu fais la maligne, tu vas me dire qui c'est qui dit ça dans le film. Oh. Ah. Ah. C'est, alors, c'est pas les trois. Ah non, si, c'est les trois. Si, si, parmi... C'est un des trois. Ah, oui, non, c'est un des trois. Ah, vous trouvez pas? C'est un soldat. Je crois que c'est Fougas. Tu sais, Fougas dans Louis de Funès, là, comment il s'appelle? Bourville. Non, pas Bourville. Tu sais, celui qui fait j'ai glissé, chef. Tassin. Ouais, mais là, tu. Non, c'est l'autre. Il a joué dans un truc plus récent. Mais là, vous savez, en 1950, là. Il est mort. Mais ils sont tous morts. En 2012. Il est dans les tout pour flingueurs aussi, c'est non c'est Pitivier. Pitivier, voilà. Bah, sûr, c'est le nom d'un gâteau. Qui joue Fougas dans Deux Funèbres avec les gendarmes. C'est pas Pitivier qui a dit ça. Si, bah, c'est si. Pitivier. Ah non, alors là, non. C'est chef. Objection, votre honneur. D'accord, c'est le chef alors. Bah, je sais pas, c'est ce que j'ai trouvé en tout cas. Et sinon, il y a le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert. Ça, c'est comment il s'appelle celui qui met les fils au pont là. L'amoureux. C'est l'amoureux. Mais toi, tu nous donnes les noms d'acteurs, mais pas les noms de personnages. Film. Non, je sais pas comment il s'appelle dans. D'accord. Dans le film. Ah, mais c'est déjà okay. Pas mal le nom d'acteur. Oui. Bon ben voilà, donc on était dans l'univers de la 7ème compagnie de 1973 quand même, c'est toujours d'actualité, je suis contente. Ah ben, j'ai vu, c'est Robert l'amoureux, et ouais, cette trilogie, je l'ai vue, revue et revue. Ah bah ben, elle passe à tous les Noëls en vrai. Hein. Ouais, bah ouais. Non mais j'ai les DVD aussi. D'accord. Ouais, trembler pas comme ça fait de la mousse. Ou alors, vous avez fait du halai. Ouais, vous avez oui. Du halai. Le chef est venu du halai. Linda, je donne le point à qui, Linda? Regardez comment il nage bien, le chef. On va passer à la deuxième réplique et je vais demander à Teddy de bien vouloir nous mettre l'extrait numéro 1, s'il te plaît. Oui. Oh. Alors, vous ne devrez pas. Si, bien sûr, mais écoutez, de l'extérieur, c'est magnifique. Oh. Martin. Le Bernoul est une ordure, Virginie. Non, bravo, c'est Martin qui a dit en premier, non, mais ouais. Quand, quand... En plus, t'es pas du tout sur le bon. Ah putain, oui. Ah, t'es pas sur le bon. Ah bah ouais. Ouais, c'était dans Dick Neck. Non, pour moi, j'ai cru prendre un accent belge. Non, c'est le Père Noël, tu es une ordure. Oui, c'est ça. Ouais. Mais Virginie, elle l'a dit. Du coup, Virginie, d'accord. Personnellement, j'ai rien entendu. On avait quelques brides et avec les brides, franchement, ce film est tellement culte que tu peux trouver avec juste 2-3 paroles. Donc ça fonctionne, c'est parfait. Bravo à vous. Et donc c'est la troupe du Splendide quand même, avec Josiane Balasco, Marianne Chazelle, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, voilà. C'est aussi un culte. Une réplique avec Thierry Lhermitte, là, celle que tu nous as mis, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc c'est Pierre et Thérèse en fait. Oui. Ils sont au truc d'appel là. Oui. SOS, il y a des appels bizarres d'ailleurs. SOS Amitié. SOS Amitié, ouais. Thérèse voilà. N'est pas moche, elle a pas un physique fastidieux. C'est ça. Mais non, pas du tout, monsieur Pierre. Regardez, il y a 2 trous, c'est pour mettre les bras. Ah oui, c'est ça qu'elle dit, c'est ça. Ah, mais oui, mais parfaitement. Et le petit maillot de Bordeaux, c'est magnifique. Mais lui, il voulait sortir les poubelles avec, quand même. Hein, oui, c'est ça. Oui. Il me manquait justement quelque chose pour sortir les poubelles. C'est ça. C'est génial. Alors, on va passer au suivant. C'est un film de 1998. Alors, écoutez bien. Tous les serpents, pas de venin avant que la souris n'ait quitté son trou. Ah, ça me dit quelque chose, ça. C'est un film ? Oui, c'est un film de 1998, réalisé par Gérard Pires et écrit par Luc Besson. Oui, si, y a Théo, c'est Taxi. C'est Taxi. Bravo. Oh. Je savais que ça me disait quelque chose. Tu peux répéter, Linda, s'il te plaît? À tous les serpents, pas de venin avant que la souris n'ait quitté son trou. Oui, et c'est le commissaire Gibert qui dit ça. Bah oui. Ça me revient. Je pouvais pas passer à côté de ça. C'est pas la, la réplique la plus culte de Taxi pour moi, mais effectivement. C'est... Mais ça m'a marqué, moi, cette... donc voilà. Ah oui. Alors, la suivante. En 1993, pour le film suivant, ça va aller très vite à mon avis, vous êtes prêts? Attention, vous dites que vos prénoms, hein. Messire, messire, un sarrasin dans une chariot du diable. Mais il y a point de bœuf tiré. Les visiteurs. C'était dit qu'il l'a dit en premier, en vrai. Et les visiteurs, alors, mais... Alors moi, je suis d'accord, mais je veux savoir quel est le personnage. Qui dit ça? Jacouille. Bah, c'est Jacouille. Et bah, Jacouille. Jacouille la fripouille. Bien joué, bravo. Mais c'est dingue, ça date de 1993. Moi, je pensais que c'était plus récent que ça. Pour moi, mais 93. Alors, tu dis ça peut-être parce qu'il y a eu des remakes ou des trucs dernièrement tournés. D'ailleurs, ils étaient moins drôles, je trouvais personnellement. Ah, c'est qu'il y a eu la suite, le 3, c'est pour ça. Le 2 sont à chier. Hein. Le 2 est à chier. Hein. Attends. Le 2, ça va encore. T'as le 3 qui est encore pire. Parce que c'est le 3 qui a fait le plus polémique et c'est à cause de ça que c'est fini. C'est aux US ? Oui, c'est ça, c'est en Amérique. Ouais, je crois en Amérique. Ouais. C'est ça. Pas vu le 3 pour dire, donc. Ah, c'est n'importe quoi. Il faut rester sur le 1. Le 2, c'est pas top. Pour en revenir, les taxis, le 1 est bon, le 2 est bon. Mais c'est pareil. Une fois que t'arrives au 3, c'est fini. Il y a un troubadour dans la boîte. Ouais. Et pour revenir donc sur les visiteurs, il y avait quand même le rôle de Godefroy de Montmirail, Jean Reno et Jacouille pour Christian Clavier du coup. Et on avait aussi Jacquard, son modeste descendant du coup. Et Valérie Le Mercier et Marie-Anne Chazelle, toujours les mêmes équipes un peu moins. Valérie Le Mercier, elle est si bien. Ah ouais, excellente avec toi. Ouais. C'est ça ton imitation? Ouais. Bah oui. De qualité. J'avais pas de phrase qui me revient, mais j'avais. Tu voulais juste te faire l'attitude, mais t'avais pas de phrase. J'avais l'intention. Yann, c'est la doublure amboisienne. C'est la doublure low cost. C'est la doublure Lidl, quoi. Oh là là. Pour l'extrait suivant, ce sera un film de 1994 et je vais demander à Teddy de bien vouloir mettre cet extrait, s'il te plaît. C'est pour moi. Oh. Allez hop, j'enlève le bed, attention. Merci. Écoutez. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. On n'entend rien, Teddy. Tu peux mettre le son? Attendez, ne dites rien, je le renlève. J'augmente un peu, on va voir si ça marche. Attention, ça va piquer les oreilles. Allez, Philippe, Catherine. Vous voulez un whisky? Toujours pas. Ah oui, j'ai nul, les nuls. Virginie. Alors, j'ai entendu les nuls, mais c'est tout? La cité de la peur. J'ai dit moi en premier, wesh. Non, moi j'ai dit en premier, attends. Personnellement, j'ai entendu Audrey. Mais bien sûr. J'ai entendu Audrey parler en premier. Mais c'est même un jingle des Fake Avengers cette année. Ils ont même redansé les Carioca. Oui, ils ont redansé la carioca. Non, peut-être un whisky d'abord. Et donc, c'est le commissaire Bialès qui dit ça et qui s'appelle en fait Patrick Humphrey Tiburce Bialès dans le film en fait. Oui. Rien à voir avec l'acteur. C'est pas Gérard Darmon du coup, l'acteur? Oui, c'est Gérard Darmon. Rien à voir avec l'acteur. Oui, c'est ça. Et il dit. Avec comment la. Maudite Doré. Chantal là-dessous. Chantal Lobby, ouais. Moi, quand je suis content, je vomis. Je suis hyper content. Moi, je suis content du coup. Mes vieux films, vous les connaissez, je suis ravie. Ah bah oui, c'est que La Cité de la Peur. Après, le reste, nada. Tu connais pas les oreilles de porc? Non. Les gencives de porc. Mais bien sûr. Bah, tu vois, tu sais quoi faire pendant ton confinement, Jolan. J'ai pas maté les vieux films, hein, c'est bon. Ah bah si. Ouais, mais c'est drôle que si. Ils sont énormes. Tu tapes des bonnes barres. C'est énorme, attends. Allez, on va continuer avec le suivant. C'est un film de 1998 et je vais essayer de vous le faire. Oula. Il s'appelle Juste le Blanc. Ah bon? Oui, Théo. Je viens de vous le dire, Juste le Blanc. Ouais, c'est Théo. C'est juste. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Vas-y, Théo. Le dîner de con. Le dîner de con pour Théo. Oui, avec Villeray et l'ermite. Ah ouais, et la scène est énorme. Et Pierre Brochand. C'est ça, ouais. La scène est absolument énorme. Tout le film est incroyable. Oui, tout le film est incroyable, mais la scène où il est au téléphone et il va essayer de récupérer la copine de comment il s'appelle l'acteur, on en a parlé tout à l'heure. Ah ouais, cette scène-là, elle est incroyable. Comment il s'appelle l'acteur? C'est pas Jean? Non, non, le grand là. Mince. Thierry l'Ermite. Thierry l'Ermite, voilà. Il essaye de savoir où est sa femme et il appelle son copain en se faisant passer pour un producteur belge là. Depuis le cabine téléphonique en plus. Et oui. Non, pas la cabine téléphonique, ils sont dans le dîner, ouais. Ouais, c'est ça, et il l'appelle et fait allô, monsieur Leblanc, oui, c'est monsieur Van Brugel, pareil. Je vous attends. Désolé s'il y a des Belges qui nous écoutent, on vous aime. Hein. Oui, mais non, mais là, il fait je prends l'accent belge. Non, surtout pas. Allô, monsieur Leblanc. On vous aime, mais pas trop quand même. Sache que ce film, il a au box-office, il a fait 9 millions d'entrées au cinéma quand même. Ça m'étonne pas. Excellent. Et comment s'appelle-t-il notre acteur local mort là? Jacques Villeray et Thierry Lhermitte. Voilà, qui est excellent dans ce film. Ouais, il est excellent dans tout, en vrai. La soupe aux choux. C'est vrai. La soupe aux choux, c'est trop bien. Là, c'est une belle imitation. Alors, dans l'extrait suivant, j'ai un petit son pour vous mettre dedans, si vous voulez. On va voir. Par contre, je veux rien entendre. Vous écoutez et on va voir si vous avez trouvé sur le son, oui, déjà. C'est pour moi, ça? Oui, s'il te plaît, t'es bien. Pardon. Allez. Maintenant, t'es bien. Maintenant, c'est parti. Audrey. Vas-y, Audrey. Oh. Audrey. C'est un stage, je suis sur Audrey. Il y en a des millions là-dessus. Audrey, je crois qu'elle a trouvé, non? Ok, alors je vais vous faire ma phrase que j'ai choisie. C'est Nexus 6 qui dit ça, le sbire d'Amo Bonfils. Alors, c'est. Je voulais dire, bande de chacals, vous allez crever comme des chacals, mais ça fait deux fois chacal. Quoi? On dit des chacals? Et ça, c'est une spéciale dédicace pour l'équipe Vita Conso, parce qu'on a un problème avec les pluriels dans notre équipe. Donc, Laisse pas Teddy. Oui, moi, je peux vous apprendre l'inverse du pluriel. Quand on met au singulier, mais qu'on parle au pluriel quand même, et l'inverse, genre un cheval. Ah non, ça marche, merde. Non, c'est. Attends, j'ai compris. Cheval des chevals, oui. Putain, je me perds maintenant. Correctement par erreur. Ouais. Et donc, box office, eux, ils ont quand même fait 14 millions d'entrées. Ils sont quatrième au fond des films français, quoi. C'est énorme. Ouais, non, c'est énorme, on parlait de Chiaba tout à l'heure. C'est pour moi le plus grand succès de Chiaba. Et pour toi, Linda, c'est la scène qui t'a le plus marqué, justement. Non, il y en a tellement. Il y en a une que j'adore, à chaque fois, je chiale. C'est quand il y a Itinéris. Qui capte plus. Ah oui, elle capte plus. Ah, ça m'arrive tout le temps en ce moment. Ou quand il dit avec moins 8000 ou je sais pas. Edouard Baird, quand il panoramique, lui demande. Ah oui, j'adore. Oui, c'est pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ouais, ça, c'est un mème célèbre. Bordel, il était tellement repris ce mème. Ma préférée, c'est quand ils font la bagarre entre des poteaux et le lion ne s'associe pas avec le cafard. Quoi? Le lion, c'est vrai. Le lion ne s'associe pas, avec le cafard. Oui, non, mais c'est parce que je l'avais compris. Le lion, ne me sait pas. J'avais rien compris, quoi. L'offre de ce film, quoi. On est trop. Ouais. Non, mais c'est trop bien. Bah oui, c'est une référence. Ah, je suis touchée. Ah, bah non, j'ai rien. Bon, allez, on passe au suivant, c'est les deux derniers titres. Alors, c'est un titre d'un film, enfin, c'est un film de 2008. Je vais vous faire la réplique. C'est pas compliqué de parler ch'timi. Par exemple, nous autres, on dit pas. Mais laissez-moi finir. T'as dit la réponse dans ta réplique. J'ai rien dit, laissez-moi finir. C'est pas compliqué de parler ch'timi. Par exemple, nous autres, on ne dit pas pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question. On dit un. C'est bienvenue chez les ch'tis, c'est Danny Boone. Oui. Alors, c'est Antoine Bailleul, facteur et carillonneur, bien sûr. Mais oui, le fameux carillonneur. Il est où, le ambiance, bordel. J'ai un problème avec Danny Boone, je suis pas fan de. Son humour est nul à chier. Le film il passe, mais lui il passe plus maintenant. C'est ça, ouais. Dans les films ça peut passer parce que c'est pas lui qui décide spécialement de ses rôles ou de ses blagues. Par contre, je dois avouer que dans ses sketchs d'humour. C'était dans ce film là où il dit il est où le U de ambulance là, il avait oublié ça. Ah non, ambulance, non, ça c'est dans le film avec la 4L là, rien à déclarer. Ah oui, c'est ça, rien à déclarer, pardon. Ouais. Et ben n'empêche que ce film il a fait 20 489 000 entrées, tu vois. Ah mais je sais qu'il a cartonné, ouais. Ouais. Mais je sais pas que j'ai pas aimé, mais je l'ai trouvé moyen. Allez, le petit dernier pour la finale, et vous allez bien rigoler. J'ai un petit extrait pour vous. Teddy va nous le passer. Ça va aller très vite, à mon avis. Attention. Oui, très très vite. Partez. La gueule. Ça va être tout noir. La gueule. Ça, c'est pareil, on aime bien une des stars. L'année dernière, on se l'est bouffé cet extrait-là. Dans les émissions. Bon, bah, vous avez trouvé du coup. J'ai même pas entendu qui a dit en premier. Allô, j'ai pas entendu le titre exact. Par contre, plus dur. T'es pas drôle. Plus dur, c'est qui l'acteur qui dit ça? Ah oui, alors moi je donne pas la patte, donne pas la patte, c'est bien, c'est un bon New York Moot. C'est le chef. Ouais. Pierre, présent. Pierre, oui, présent. Pierre, ah, oh, il est toujours avec Pierre celui-là. Elle est belle ma femme, hein. Oui, oui chef. Et donc c'est encore réalisé par Alain Chabat en 2004. Ah oui. Et voilà, quoi. Bien sûr. Et on a eu quand même La Cité de la Peur, Astérix et Obélix dans ton top. Ah mais j'ai que des... Je suis fan en fait, hein. C'est nul des fois les blagues mais j'adore. Et en plus j'aime bien les acteurs Jean-Paul Rouve, Pierre-François, Martin Laval, Élise Larnicole, Alain Chabat et Maria Foy, voilà, franchement c'est cool quoi. Puis en même temps c'est un peu le... Alors je sais pas comment on dit, il doit y avoir une expression pour ça, mais c'est un peu eux qui mènent le cinéma français d'humour en France en tout cas. Les nuls, alors les inconnus à l'époque... J'en ai oublié un, il y en a un dernier, ça va aller très vite aussi je pense, mais on va voir. C'est vous avez de la pâte, vous avez du sucre, avec la pâte, vous faites une crêpe et vous mettez Virginie, du sucre. Les... Virginie. Il y a personne d'autre? Ouais, Virginie. Virginie. C'est les bronzés fonds du ski. C'est Marianne Chazelle. C'est Marianne Chazelle qui reçoit un acteur qui est décédé justement et il dit vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Bah, avec de la pâte et du sucre, d'une crêpe au sucre. Alors non, du sucre. Pas du sucre. Il n'y a pas de R. Ma grand-mère dit pareil, c'est du sucre. C'est encore un film qui a eu un grand succès, mais plutôt à la télévision malheureusement. Il n'a pas eu de succès au ciné. Au cinéma. Ouais. C'est comme le Père Noël est une ordure, c'est-à-dire que c'est le genre de film qui est devenu culte avec les années et tous les ans on a les bronzés, on a le Père Noël est une ordure, etc. Et c'est pour ça que c'est multigénérationnel, on connaît tout ça parce que ça s'est passé à la télé pendant 30 ou 40 ans. Quoi. Mais du coup, en 2008, normalement, il y a eu 10 millions de spectateurs en 2008, t'imagines, alors que c'est un film de, je sais plus, en 79, t'imagines? Ah oui, le premier 79. Ouais. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. On peut pas trop compter sur notre physique pour séduire. Mais enfin, surtout toi. Eh ben écoutez, moi j'ai trouvé que vous étiez plutôt bon ce soir sur les répliques. Hein. On a été meilleur qu'à Halloween. Merci. Ah oui. Ah bah, on est plus dans mon registre là, très clairement. Et ben on est dans le mien aussi, je suis ravie. J'ai trouvé ça cool. Et puis excuse-moi Linda, parce qu'effectivement tu avais raison sur la première question, c'est bien Pithiviers. Ah, mais c'est moi qui... Chez Virginie, mais elle coule pas. C'est autant pour moi. Je t'en veux pas, je t'aime bien quand même. J'aime bien reconnaître quand j'ai tort et j'aime bien voir quand j'ai raison aussi. Mais... C'est bon Virginie, tu seras reconduite à la prochaine émission. C'était bien Pithiviers. D'accord, t'es glissé chef. Ouais. Merci Linda pour ce petit quiz, c'était cool, sympathique. Martin, tu nous as préparé un petit sujet sur South Park, c'est ça? Effectivement, ouais. Ils ont Kenny, Kenny. Oui. Alors, du coup, ouais, South Park. Déjà, je voulais savoir, vous êtes plutôt Team South Park ou Simpson? Simpson. Ah, c'est pas pareil. Bah, en fait. Pour ma part, les Simpsons, j'ai toujours aimé, mais en fait, je trouve qu'il y a trop de saisons maintenant et on s'y perd, alors que South Park aussi, il y a beaucoup de saisons, mais pour autant, ça arrive toujours très actuel et très tranchant et c'est l'humour, enfin, peut parfois être violent, mais c'est tellement vrai, quoi. Mais c'est tellement vrai et c'est des running gags, c'est des personnages auxquels on s'attache vraiment, quoi. Oh putain, ils ont tué Kenny! Oh les bâtards! Pardon. Ils ont tué Kenny! Alors, je m'emmerde et je rentre à ma maison. Après, je suis peut-être toute seule à le penser, Martin, mais je trouve que South Park, c'est plus trash que les Simpsons. Ah bah largement. Il n'y a pas photo. Mais bon, je trouve quand même que c'est les deux qui s'affrontent dans le style. Ouais, c'est les deux Américains qui trustent. C'est clairement ça, ouais. qui sont là depuis des années. Ils ont plus, pour la petite histoire, ils ont beaucoup plus de problèmes avec. Alors nous, c'est quoi? C'est le CSA en France? Non, je sais pas. Ceux qui gèrent l'audiovisuel. Ouais. Bah en Amérique, ils ont beaucoup plus de problèmes South Park que les Simpsons. Hein. Bah oui. Parce que les Simpsons, ils en ont eu quelques-uns. Mais les Simpsons, c'est doux en fait. Ouais, les Simpsons, c'est très doux dans la manière dont ils abordent les sujets de société, alors que South Park, c'est trash. Hein. Ouais, ça y va clairement. C'est fun. Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est une série d'animation américaine plutôt pour les adultes qui a été créée par Trey Parker et Matt Stone en 97. Du coup, ça fait 23 ans que ça existe. On en est à la 23e saison. Ah la vache, ouais, ça fait genre 308 épisodes, je crois. Ah, je les ai tous regardés. Mais... c'est des épisodes de combien? De 20 minutes, non? Et ouais, c'est des petits 20 minutes. Mmh. Et au début, enfin, qui n'ont rien à voir ensemble à chaque fois. Sauf depuis les dernières saisons, ils ont commencé un petit peu à mettre un fil rouge dans la saison et prendre le temps de raconter une histoire un peu plus évoluée, disons. Du coup, ouais, c'est l'histoire de quatre gamins, Stan Marsh, le petit au bonnet bleu, c'est le petit garçon lambda qui ressemble un peu à tout le monde. Et puis c'est aussi la voix de la raison. Moi, j'adore en fin d'épisode quand il fait une petite morale de l'histoire qui vient de se passer avec sa petite voix, ça me fait toujours rire. Ensuite, il y a Kyle Broflovski, son meilleur ami, avec sa chapka verte. Et, et lui, c'est le juif, en fait. il a pas d'autre... C'est le juif. Il se fait tellement lâché dans la série. Mais oui. Et oui. Mais c'est Cartman qui met la misère. C'est ça, notamment par Eric Cartman, genre le plus odieux, mais qu'on adore tous, je pense. Ah, je sais pas si on l'adorerait en vrai, hein, mais dans la. Alors, le détester, Cartman. Tu l'aimerais pas comme ami en vrai. Non, en vrai ami, non, tu l'aimerais pas. Mais dans la série, effectivement, tu l'adores. Il est raciste, il est antisémite, mais oui. Il est vulgaire, manipulateur. Mais j'ai trop aimé dans les dernières saisons parce qu'il s'est radouci quand il s'est mis avec sa copine. Ouais. Et genre le running gag où à chaque fois, genre, cache qu'il y a un peu plus. Oui, il y a un épisode aussi où la ville de South Park veut. Éradiquer les chats de la ville parce que il y a des problèmes de drogue avec des gens qui sniffent la pisse de chat. Super. Et du coup Cartman se met du côté bizarrement des chats, à abriter des chats dans son grenier alors que la police cherche les chats partout et il leur propose d'écrire des journaux et voilà. Vous voyez de quoi je parle, non? Oui, si, clairement. si. Genre un peu journal Anne Frank, quoi, alors que dans les premières saisons, c'est la pire des horreurs. Ah. Et là, il se glisse dans la peau du sauveteur, quoi. Oui. Et puis, Kenny, dans son anorak orange remonté jusqu'au menton. On voit jamais sa tête. Ouais. On voit jamais sa tête et on comprend pas ce qu'il dit. Il prend tellement cher, le pauvre. Ah oui. Il meurt dans quasiment tous les épisodes. Ah bon? C'est la victime? Ah oui. Dans presque tous les épisodes, il meurt à la fin et du coup, les autres peuvent dire « Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny !» Et à chaque fois, il réapparaît. De quoi? Et à chaque fois, il réapparaît? Oui. Ouais, à chaque épisode, il revient, bien sûr. Mais du coup... Il est vraiment mort. Oui. Bah, oui, alors... du coup, au bout d'un moment, les enfants s'en inquiètent même plus. Ils sont morts, ils le laissent se faire bouffer par les rats et ils continuent leurs affaires. Ils savent qu'il sera là dans le prochain épisode. Prochain épisode. Ouais. Magie du cinéma. Mais il y a un moment, il y a dans un épisode, ils expliquent qu'il est immortel et qu'il revit. Ils deviennent même, il y a des épisodes où ils deviennent des super-héros et ils parlent à ce moment-là. C'est ça, son super-pouvoir, c'est qu'il ressuscite tout le temps. Il meurt, mais il ressuscite. Mais oui. C'est lequel génial. Qui vomit tout le temps là, qui est tout le temps en train de dégueuler? Il y en a pas. Vomito, c'est dans Titeuf. Oui. Mais non, mais il y en a pas un qui vomit tout le temps là. Non, pas forcément. Mais je sais pas, une femme dans les premiers épisodes, il y en a un qui vomissait par stress. Bah, c'est peut-être pas dans ces quatre là. C'est peut-être pas dans ces quatre là. Et puis, enfin, des fois, ça leur arrive de vomir, j'imagine. Hein, mais il y en a pas un qui a le stéréotype du je vomis tout le temps. Non, c'est ça. Non. Mais par contre, il y a d'autres personnages aussi que j'aime beaucoup dans South Park. Butters. Genre Professeur McKay. La drogue, c'est mal, mon nu. C'est mal. Ouais. C'est trop drôle. Et puis, Monsieur Garrison aussi. Oui, Monsieur Garrison, qui devient président des États-Unis d'ailleurs. Ah oui. Et c'est une parodie de Trump en plus. Ouais. C'est excellent. Il y en a tellement des parodies de Trump. Mais oui. lui-même malheureusement qui la fiction est devenue réalité aussi. Bref. ouais, bah du coup, moi, bah avant, pareil, je regardais Les Simpsons et ça me faisait doucement rire. Et puis ouais, un jour j'ai découvert South Park et puis bah là, je me suis tout enchaîné. J'ai grave accroché avec l'humour absurde, provoque. Au début, c'était plus ça, absurde, provoque, mais quand même un peu enfantin. Et par la suite, ça a tiré plus vers la satire, aborder des gros sujets sur la société américaine, la politique, les religions. Ouais. Et en fait, tout, ils ont épargné personne. C'est bien que tu aies fait le parallèle avec les Simpsons parce que c'est un petit peu la même direction dans l'absolu. C'est de dire, oui, on critique la société américaine, on peut même faire le parallèle avec un jeu vidéo comme GTA, tu vois, on met en avant une société en la caricature et on la critique. Et t'as Jolan qui a un problème avec son micro, là, Jolan. Oui, je sais pas ce que tu fais. Non, on t'entend, Jolan, tu n'es pas discret, Jolan. Non, t'es en train de faire un bad, mais ça s'entend. Moi, je trouve que Les Simpsons, c'est quand même une série qui était vraiment, enfin, qui est toujours très visionnaire, parce que vous regardez les épisodes, on parle Trump, on parlait Michael Jackson, on parlait, enfin, voilà, parce que je suis la génération Simpson, et vraiment, je me dis. Bah tu te dis quoi? Ah, tu dis quoi, Virginie, du coup? Alors par contre, oui, on a une petite coupure de 2 secondes où tu as dit, où je dis, boum, on n'a plus rien. Ouais. Ah, je disais en fait qu'ils étaient très visionnaires et qu'ils voyaient très loin les choses. C'est ça. Ouais. Bah, d'ailleurs, ça a été un. Si c'est bon. Si c'est ça bon. A été un, mais ça a été un truc sur Internet. Ça a été un phénomène sur Internet de dire les scénaristes des Simpsons sont des voyants. Oui, c'est ça, ils ont tout prédit. Les Simpsons ont tout prédit. Par contre, à chaque fois, ils ressentent un truc qui est vrai, donc forcément. Je voulais revenir sur un truc par rapport à South Park, parce qu'on n'en a pas spécialement parlé. Les graphiques de South Park, ils sont un peu particuliers. Je laisse continuer, Martin. Le style artistique, disons. Oui. Parce que d'habitude, les animés, comme les Simpsons, c'est, en gros, c'est un trait avec de la coloration. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, ce genre de truc. C'est du dessin animé. Ah oui. Les South Park, c'est légèrement différent. En fait, on dirait des morceaux de papier collés qui bougent. Mais c'est déjà en 2D. Justement, en fait, le premier épisode, ils l'ont fait comme ça, en découpage, collage. En stop motion. Et qui bouge. Ouais, voilà, du stop motion. C'est ça, ouais. Et par la suite, ils ont commencé à faire... Par ordinateur, ouais. Quoi. Du stop motion, fabriqué toute pièce. Ça a commencé comme ça, en stop motion, avec des petits découpages. Et c'est ça qui est cool aussi, ils ont gardé ce côté super simpliste, on en a rien à foutre que ce soit joli. C'est ça. Juste. Mais on a des choses à dire et on peut les faire passer parce que. C'est faire passer un message, Exactement. Ouais. Ok. À quel âge tu as commencé à regarder South Park, Martin? C'est récemment. Ouais, je devais avoir 5 ans. 19-20 ans, je venais d'arriver à Blois. Ouais, donc t'as commencé, t'étais déjà... Je venais d'arriver, je connaissais encore personne là-bas. Mm-hmm. Et du coup, j'allais en cours et quand je rentrais, je bouffais des South Park. D'accord. C'est bon, petit déjeuner au... Il y en a qui mangent des miel pots, il y en a, c'est des South Park. Faut faire le choix. Tu peux t'en mettre un à la pause de midi. Tu peux c'est ça. Je pense les meilleurs. Bon, les copains, ça y est, on y est. On y sera dans 3 minutes avec Laura, Jim Carrey. Vous l'attendez. Le moment que vous l'attendez. Il arrive après Boys Avenue et une reprise de Dido. Dido qui est un petit peu muet tout de même. White Flag sur Indestar pour vous souhaiter une agréable soirée en ce vendredi soir, en fin de semaine qu'on passe ensemble tout simplement, confiné à la maison, émission avec vous dans le salon. On parle pop culture et humour. Venez, entrez dans la danse. Indestar, là où tout commence. Mais oui, rejoignez-nous. Et si vous avez loupé le début de cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur une vingtaine de plateformes, quand vous le voulez, directement sur indestar.fr. Émission à la maison du vendredi soir. où on parle pop culture ensemble et avec une thématique qui est le rire ce soir. On a des séries, on a la musique, on a la BT. J'étais en train de réfléchir qu'on n'a pas parlé de musique, mais si Laura Lone tout à l'heure, quand même. On a fait une petite aparté musicale. Et on a choisi aussi quel était notre acteur ou humoriste préféré. Et pour Laura, c'est Jim Carrey. Exactement, c'est ça, parce que moi, quand on m'a dit le thème de ce soir, le thème de l'humour, j'ai directement pensé à l'acteur Jim Carrey. En fait, Jim Carrey, clairement, ça a bercé mon enfance. Je me souviens, j'avais, il y avait la cassette de Ace Ventura en Afrique. Je ne sais pas si vous avez connu ce film. Oui, oui. Moi, il aimait les animaux, il n'était pas veto, je ne sais pas quoi, non ? Il y avait le premier épisode, enfin le premier film, c'était Ace Ventura, détective chien et chat. Ouais. Et le deuxième, c'était Ace Ventura en Afrique. Et du coup, il y avait la cassette dans la chambre de mon frère et j'ai commencé à regarder ça et je me suis vraiment plongée dans son humour hyper burlesque. Alors, petite question pour vous, j'ai déjà énoncé deux films dans lesquels il a joué, mais quand je vous dis Jim Carrey, vous pensez à quoi comme film ? The Truman Show. Ouais. Yes Man aussi. Ouais. Yes Man, j'aime bien. Yes Man, ouais. Eternal Sunshine. Yes. Nouveau Sonic. Yes Man. Ouais. Le nouveau Sonic aussi, il est dedans. Voilà, Sonic le film, ouais, qui est sorti cette année. Oui, dernièrement, ouais. Il a dû en faire plein. Il y a aussi, il faut pas oublier le Grinch. Ah bah oui. Oh, oui. Mais quel oubli. Bruce Tout-Puissant. Elle est énorme, sa filmographie, il y en a combien ? Dumb and Dumber, c'est vraiment incroyable tout ce qu'il a pu faire. Il y avait Dumb and Dumber 2 qui est sorti en 2014. Franchement, j'ai été le voir au cinéma, il était génial 20 ans après la sortie de Dumb and Dumber en 1994. Franchement, cet acteur, je l'aime beaucoup parce qu'il a un faciès quand même, genre... Il peut faire n'importe quelle grimace, il est incroyable. Enfin, et j'ai plusieurs anecdotes à vous raconter par rapport à comment il est devenu Jim Carrey, justement. Alors tout d'abord, il a 58 ans aujourd'hui, il est né en 1964. Et ce génie de l'humour, en fait, il racontait dans une interview que quand il était petit, il se regardait dans le miroir pour faire des têtes totalement improbable et même son père il en avait marre à la fin. Mais qu'est-ce que tu fais, Jim, tout le temps te regarder dans le miroir. Il fait, mais je teste mes têtes. C'est vraiment c'était important quand même avant de partir à l'école. Mais c'est ça, et d'ailleurs même à l'école il faisait le pitre, en classe il faisait le pitre tout le temps et son prof au bout d'un moment il en avait tellement marre qu'il lui a dit, bon Jim, je te propose un deal. Tu me laisses tranquille pendant le cours et à la fin je t'accorde 5 minutes pour faire ton sketch devant tes camarades. Et c'est ce qui s'est passé. C'était le début de sa carrière en fait. Exactement. T'as regardé le Tabs sur Jim Carrey, non ? Oui, c'est ça. Je me suis documenté sur plusieurs documentaires. Balance pas les sources. Il y avait Tales. Il est trop bien, Tales from the Click. On balance jamais les sources. Tales from the Click sur YouTube. Il y a aussi un documentaire dont je vais vous parler juste après qui est sur Netflix actuellement, Jim and Andy. Qui retrace aussi les tournages d'un de ses films. Mais du coup, quand il était enfant, vraiment, il est passé par ces différentes étapes. Et même à ses 10 ans, il jouait des claquettes. Et ça amusait tellement ses parents qu'en fait, toute la nuit, il portait ses claquettes. Et si ses parents étaient tristes, ils réveillaient leur fils pour jouer des claquettes. C'est assez glauque dit comme ça. Mais en gros, c'est à partir de là, en fait, que Jim Carrey, il a voulu faire rire les gens pour les sortir de leur chagrin, pour diffuser la joie au plus grand nombre. Et en fait, à ses 19 ans, il décide de partir à Hollywood avec seulement $1000 en poche. Il enchaîne pendant une dizaine d'années des rôles mineurs dans différents films, des seconds rôles, enfin pas grand-chose. Et en 1991, il se remplit un chèque de $10 millions et il se promet que dans les 5 ans à venir, il pourra se l'encaisser. Et vous savez quoi ? Comme idée, ça. Et vous savez quoi ? En 1914... Oh, pardon, 1914. Il a bien dit... Il retourne en arrière, il retourne à la guerre. Voilà. Non, en 1994, il joue dans la même année dans The Mask, Dumb and Dumber et Ace Ventura, Détective Chien et Chat. Dans la même année. Et du coup, en 1994, il peut se l'empocher, ces $10 millions. Si c'est pas beau, ça. C'est à partir de ce moment-là que décolle vraiment sa carrière. Et donc, Jim Carrey, il me fait rire, il joue à fond son personnage burlesque, mais au fond, en fait, il savait pas qui il était. Il s'est beaucoup de fois demandé qui il était réellement, et il préférait, j'ai vu ça dans une interview aussi, il préférait incarner un personnage plutôt que de se découvrir lui-même. En fait, ouais. C'est un peu le clown triste, finalement, enfin, celui qui fait rire tout le monde, mais derrière, il ne sait pas vraiment qui il est. Il a une carapace, mais... quoi, en gros. Exactement, enfin, il est très généreux dans sa manière de jouer, et des fois tellement généreux, il le fait dans des films humoristiques, mais aussi dans des films à caractère dramatique. Tout à l'heure, vous me parliez de The Truman Show. Vraiment, dans ces rôles-là, il donne de lui-même, enfin, parce que dans The Truman Show, pour raconter un peu le speech, c'est un homme qui est suivi un peu de manière, enfin, comme une télé-réalité. En fait, on l'a suivi depuis sa naissance. Jusqu'en son âge adulte, en fait, il n'a pas conscience qu'il passe à la télé. Et ouais, il est lui-même, en fait. Dans une télé-réalité, oui, en fait. Exactement. Et lui-même, en fait, à cette période-là, il se sentait comme dans une bulle, loin de la vérité. Et il trouvait ce film limite thérapeutique, en fait. Mmh. Et notamment dans le film The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, voilà. Michel Gondry, en fait, quand il recherchait l'acteur principal pour son film, il a croisé le chemin de Jim Carrey plusieurs mois avant le tournage. Et en fait, Jim Carrey, à ce moment-là, il était en totale dépression. C'était en 2004 qu'est sorti le film The Eternal Sunshine. Et l'année d'avant, il était en totale dépression. Et Michel Gondry l'a croisé et lui a dit « Tu es vraiment beau ». Et en fait, Jim Carrey, il était sur le point de pleurer. Et Michel Gondry, il lui a dit « Garde ça en toi, cette douleur, pour le tournage ». Donc en fait, il est resté pleure, en dépression. Vas-y, pleure. Pour, Ouais, voilà, non, mais c'était le meilleur pote. Et... Alors tape sur les boules, allez, t'es bien dans le bad ? Bah reste comme ça. C'est non, mais bien. Tellement, ça fait de l'audimat. Ça se ressent dans le film en fait. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, mais il joue terriblement bien ce côté dramatique, enfin, dans lequel il est perdu dans sa relation. Enfin, c'est un peu un jour sans fin. C'est assez incroyable. Et il est capable de faire rire les foules. Il est capable de nous faire pleurer aussi. Mais c'est un grand acteur pour une autre raison, sa capacité à se plonger totalement dans un autre personnage que lui-même. Enfin, on le voit dans le documentaire signé Netflix Jim et Andy. En fait, on voit Jim Carrey lors du tournage du film The Man on the Moon, qui retrace le parcours d'Andy Kaufman, qui était un humoriste américain, qui était vraiment aux antipodes de ce qu'est l'humour. Il méprisait les blagues et il pratiquait plutôt une forme d'anti-humour totalement absurde dans les années 70 et 80. Et du coup, Jim Carrey joue Andy Kaufman, et en fait, dans le film documentaire Jim and Andy, il est tellement dans son personnage que même en dehors des scènes, il reste encore Andy Kaufman, tellement qu'en fait, il y a plein de mélodrames qui se passent en dehors des tournages. Enfin, il fait péter un câble à l'équipe de production, tellement il est à fond dans son personnage qui est totalement burlesque, quoi. Il peut pas s'en séparer. Il a même dit c'est comme si avant le tournage, Andy Kaufman m'avait tapé sur l'épaule et m'a dit « c'est bon, je suis là ». Enfin, j'ai trouvé ça impressionnant. Si vous avez l'occasion de regarder ce documentaire... faites-le, enfin, on voit vraiment c'est quoi le travail d'un... C'est arrivé à plusieurs acteurs, en fait, que leur personnage soit tellement fort comment dire, que les acteurs se mettent tellement à fond dans leur personnage que finalement, ils ont du mal à s'en extraire une fois la fin de tournage. Quoi. C'est Marion Cotillard qui l'avait fait pour La Môme, pour Edith Piaf, ouais. Et qui avait demandé à être désensorcelée, désenvoûtée, parce qu'elle sentait le fantôme d'Edith Piaf toujours avec elle. Genre, elle l'avait hyper mal vécu, ce film. Ah. Ça me fait penser à un truc, je rebondis là-dessus, il y a l'ancien acteur, le Joker, qui s'est malheureusement suicidé à cause de son rôle, il était tellement à fond dedans que... Lequel Joker, du coup ? Il en est devenu fou, quoi. Le tout premier. Ouais, je m'en rappelle pas de son nom. Ouais. Je vois sa tête, mais... Je pense qu'à force de jouer un personnage, tu peux le devenir. Et c'est cool pour un film, mais après ça laisse des traces, ouais. Et ouais, et t'as souvent des psys qui suivent les acteurs, parce que c'est pas forcément évident de se sortir d'un rôle qui est un rôle assez fort, tu vois. Bon, c'est si tu joues une personne lambda, etc., bon, c'est facile, mais quand t'as un rôle comme, je pense à La Môme dont tu parlais, Teddy, c'est Audrey, c'est pas évident, quoi. Ah, la seule chose que je peux dire sur la Môme, c'est que Marion Cotillard s'est rasé le devant de sa tête pour avoir les cheveux bien dégagés devant, enfin, pour avoir comme Edith Piaf la même coupe de cheveux. Donc fallait que ça repousse, c'était pas très beau. Mais, mais l'investissement physique et moral des acteurs sur certains tournages, c'est impressionnant. Ouais. Des acteurs qui, des actrices qui perdent des dizaines ou qui gagnent des dizaines de kilos, qui pour rien que pour des séries, genre pour True Detective, Matthew McConaughey, il est un camé dans la série, genre c'est un flic camé. Et pour que son rôle de camé soit crédible, il s'injectait avant le tournage dans les veines du piment de Cayenne pour que ça fasse ressortir ses veines. Il devait souffrir le martyr en vrai. Hein. Ouais, parce que, c'est à la limite du dangereux quoi. C'est même pas le pire. Ou perdre 10 kilos, c'est pas. Ouais. Ça peut mettre la vie en danger. Le pire acteur qui a fait ça là, c'est alors ça dévie un peu de Jim Carrey hein, pour le coup. C'est celui qui jouait dans la trilogie The Dark Knight, Christian Bale, celui qui jouait Batman. Christian Bale. Ouais. Cet acteur là, il a fait des transformations physiques entre guillemets parce que ça relève carrément de la transformation physique. Il perdait des kilos et les reprenait après pour un autre tournage et ainsi de suite. Ah, il faisait des trucs de malade. Et, lui, on lui a plusieurs fois dit. On compte 30 kilos à chaque fois. Oui, voilà, c'est ça. Perdu, 30 kilos repris, 30 kilos de muscle en plus. C'est un truc de malade. Il peut faire un yo-yo avec son corps juste pour des rôles, quoi. Après, quand t'aimes ça, voilà, mais. Il y a une limite. Il y a une limite, ouais. Tu voulais dire un petit mot sur la série Kindling, c'est ça, Laura? Oui, mais avant, je voulais rebondir, en fait. Du coup, à la fin du tournage de Man on the Moon, où il interprétait Andy Kaufman, un autre humoriste, Jim Carrey disait, maintenant que c'est fini, qui je suis? Enfin, vraiment, il était tellement à fond dans son personnage, il se demandait vraiment qui il était. Et ça a été un long chemin pour lui de s'accepter comme il était, parce que il se sentait même pas heureux avec tout le succès qu'il avait, alors que il avait tout donné de lui-même et pourtant il n'arrivait pas à se trouver. Et justement, je trouve que dernièrement, il s'est trouvé en allant vers un peu de la comédie dramatique avec la série Kidding. Alors, est-ce que déjà l'un d'entre vous a entendu parler de cette série? Nope, pas du tout. Cette série en fait est malheureusement dans. Elle est sur Netflix, non? Non, elle est sur Canal Plus. Enfin, j'ai dû voir une pub. Elle est très sous-cotée en fait finalement. C'est une série qui n'a que deux saisons. Enfin, devait y avoir une troisième saison, mais ça a été annulé parce qu'il n'y avait pas assez d'audience. Pourtant, au niveau de la scénographie, au niveau du casting, au niveau de tout, c'est vraiment un chef-d'œuvre en fait. Enfin, je vous le conseille vraiment. Il y a deux saisons, 20 épisodes de 30 minutes par épisode. Donc en fait le speech c'est Jim Carrey joue Jeff Piccolino qui est un présentateur d'une émission pour enfants, donc un peu à la Muppet Show en fait, et Jeff c'est pour le son public Mr. Pickles, véritable icône du petit écran. Et en fait à un moment donné il est confronté à un drame, la mort d'un de ses fils dans un accident de voiture. Et à ce moment-là, ça change totalement son état d'esprit. En fait, derrière la caméra, il essaie de rester le plus souriant possible pour tous les enfants qui le regardent, parce qu'il raconte beaucoup de contes de fées, mais en fait, il peut plus se cacher derrière ça au bout d'un moment. Et c'est à ce moment-là qu'il pète complètement à câble, quoi. Et la réalité du monde lui revient en pleine face et il est obligé de l'affronter. Et c'est vraiment, en fait, un parcours du combattant pour lui. Il y a beaucoup de scènes très, très drôles, mais il y a aussi beaucoup de drames. On y aborde la mort de son fils, le divorce, le show business, la dureté du show business. Et en fait, en deux saisons seulement, on voit petit à petit sa guérison, son deuil qui se fait, et tout plein d'aventures vraiment burlesques. Et il est vraiment super touchant. Et en fait, derrière ce personnage de Jeff, on voit vraiment Jim Carrey. Au fur et à mesure que Jeff évolue et ne devient plus seulement un pantin à la merci de la télé, c'est pareil pour Jim Carrey. Il a enlevé son masque. D'ailleurs, son premier film à succès, c'était The Mask. The Mask, ouais. Et il arrive enfin à le retirer, en fait. C'était ça veut dire que c'est la fin de sa carrière ou il y a un signe? Il n'est pas vraiment à la fin de sa carrière, mais en fait, c'est plutôt... Il change un peu, quoi. Ouais. Voilà, il change son état d'esprit et il se découvre vraiment lui-même. Enfin, il sait qu'il peut faire autant de la comédie que du dramatique, mais il n'est pas obligé de se cacher derrière un masque. Il sait accepter tel qu'il est, et ça, je trouve ça très beau. Enfin, que par l'humour. Enfin, parce que c'est vrai que moi, je pratique du théâtre aussi. Et beaucoup de fois, je me suis dit, j'adore le théâtre parce que je peux être quelqu'un d'autre que moi. Oui. Je peux faire n'importe quel personnage. Ouais. Mais c'est pas que ça, finalement. Il faut réussir à se trouver soi-même. Et je trouve que c'est une bonne morale qu'il nous donne Jim Carrey. Oui, il est d'accord avec toi, à mon avis. C'est pas faux. Parce que toi, t'aimes bien faire des personnages. J'aime beaucoup faire des personnages. Ouais. J'ai jamais fait de théâtre, mais par contre, je me suis aperçu. Alors, j'ai pas 55 ans, hein, mais. Ah bon, pas encore. mais je me suis aperçu que mon personnage radio, quand j'ai commencé à en faire, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années maintenant, était beaucoup plus éloigné du vrai moi à l'époque qu'il ne l'est maintenant. Et en fait, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus les deux se rejoignent, alors plus ou moins selon les thématiques d'émission. Le vrai toi a disparu. Mais, pardon, t'es dit ? Le vrai toi a disparu. Tu t'es fait bouffer par le... Justement. Au contraire, en fait, les deux s'apportent quelque chose. C'est-à-dire que le vrai moi prend de l'assurance par l'intermédiaire de mon personnage, et mon personnage prend de, comment dire, on va dire de la sagesse du vrai moi qui a... Non, mais c'est un peu bizarre à dire, à expliquer, mais ça se ressent, enfin... Si, quand je m'écoute il y a une dizaine, quinzaine d'années, je sens vraiment la différence et je me dis, enfin, je sais le qui j'étais avant et la disparité qu'il y avait avec mon personnage radio, et je sais que maintenant, tu peux tout faire. Les deux sont beaucoup plus proches, quoi. Tu peux trouver comme Jim Carrey. Ben, je me suis trouvé. Après, l'idée d'avoir un personnage me protège un petit peu quand même. Enfin, me donne. T'avais peur de au-delà des limites, quoi. T'avais peur de t'exposer en premier lieu, quoi. C'était complètement ça, évidemment. Et en fait, maintenant, je sais que je peux m'autoriser quand même plus de choses avec mon personnage. Enfin, c'est même pas je peux, mais c'est plus facile pour moi de m'autoriser des choses avec mon personnage. Mais je sens que les deux se rapprochent. Donc peut-être qu'à 55 ans, les deux seront une seule et même personne. C'est pas faux. J'aimerais aussi faire pas un petit hommage parce qu'il est pas mort, mais. On parle de Jim Carrey, oui, mais nous, dans nos films, généralement, on les regarde pas en sous-titré, on n'entend pas vraiment sa voix à Jim Carrey. Nous, on entend une voix française. La voix du doubleur français. Emmanuel Curtil. Il est vraiment génial. Ce gars-là, il est pas connu, évidemment. Il est pas connu, mais nous, c'est comme ça qu'on connaît Jim Carrey, c'est avec cette voix-là, en fait. Pour nous, Jim Carrey, c'est la voix d'Emmanuel Curtil. Donc, Emmanuel Curtil... Et d'ailleurs, j'ai déjà vu une interview de ce gars-là. Au début, il a galéré quand on lui a présenté The Mask et faire la doublure de Jim Carrey. Jim Carrey fait des trucs de balade avec sa bouche quand il parle ou tout ça. C'est compliqué de faire du Jim Carrey. J'avoue, pour faire du doublage de quelqu'un qui a des grimaces, qui a une faciès hyper expressif, ça doit être compliqué. Ouais. C'est ça. Et il parle avec ses fesses aussi. D'accord, merci pour la référence. Donc, Curtil, t'es un champion. Voilà. À toi, Laura. Je te repasse la balle. J'ai pas entendu parce qu'il y a des bruits de micro. Ah, t'as pas entendu? Ouais, il y a des bruits de micro, ouais. On réglera ça en off. Mais oui, c'est Emmanuel Curtil, je sais pas si tu l'as connu. Enfin, si tu le connais. Il est pas mort, hein. De non? Oui, non, il est pas mort. C'est le doubleur de Jim Carrey. Oui, j'ai pris un café avec lui la semaine dernière. Il allait très bien. Ça va, il a toujours une belle voix. Et il avait du mal. Qui joue avec son micro là? Je crois que c'est Jolan. Mais arrêtez, j'ai rien fait. Alors, Jolan, tu es le maillon faible, tu es éliminé. Je vous écoute depuis tout à l'heure, je parle. Hop là. Non, mais je sais pas, il y a des bruits de micro. Il y a des bruits de micro. Ouais. J'ai éliminé Jolan. Non, je déconne. Je vais couper son son. Parce que c'est comme ça. Tout ça pour dire que Jim Carrey, en fait, c'est vraiment mon père spirituel au niveau de l'humour. D'ailleurs, il a l'âge de mon père. Bonjour papa, si tu m'écoutes. Mais c'est vraiment... Il est très inspirant aujourd'hui. Enfin, il mène des discours un peu sur comment se découvrir soi-même. Enfin, c'est vraiment génial. C'est développement personnel. Exactement, il est à fond là-dedans et... Et vraiment incroyable, et j'ai vraiment envie de regarder tous ces films, quoi. Parce que quand je me suis regardé les documentaires sur lui, genre j'étais quasiment sur le point de pleurer en fait à la fin, tellement c'était beau en fait ce qu'il disait. Très inspirant comme monsieur. Enfin, c'est pas que de l'humour, c'est une légende. C'est un masque. C'est une légende du cinéma. Voilà, c'est une légende. Clairement. Exactement. Et tu lui dirais quoi si t'avais la chance de le rencontrer? Mais justement, j'étais en train de penser. Splendid! Pardon. Mais... Je dirais ça. Non, c'est trop cliché, genre. M'en fous. Je vais l'accoster avec une de ses répliques. Non, ouais, je m'en fous. J'assume. Avec une bonne grimace, je pense. Non, mais en vrai, je lui dirais merci d'exister, quoi, tout simplement. Enfin, c'est juste... tellement beau. Mais ouais, mais parce que en fait... Enfin, qu'est-ce que tu peux dire à une personne que tu admires? Voulez-vous sortir avec moi? C'est pas... Bonjour. Je vous aime bien. Vous faites des trucs super chouettes. J'aime beaucoup ce que vous faites. Regardez ma gueule, je me suis inspiré de vous pour essayer de faire des grimaces. Voilà. Non, si, clairement. Je suis sûr, il serait hyper content de faire des concours de grimaces. J'en suis sûr. Tu sais, t'essayes de faire un splendide, alors pas exactement comme lui, mais tu fais à ta manière, je suis sûr qu'il kifferait. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est... Je pense qu'il peut y avoir des échanges très intéressants. Mais ouais. Des échanges très intéressants sur le jeu d'acteur, sur sa vision de la vie en général. Et ouais, on peut vraiment rigoler avec lui, quoi. S'il était sur cette émission, mais pouf, ce serait des tranches de rigolade à n'en plus finir, quoi. Bah, tu sais, c'est quoi, pas... Laura, il sera notre invité la semaine prochaine. Bon courage. Oh, ça va pas être évident. Il faudra amener l'interview en anglais, les garçons, quand même. Hein. Oui, bah, c'est moi, en moins évident. Je le ferai, j'ai un bon accent anglais. Le prochain titre, attendez, je vais mettre une petite intro, je vais faire ça bien. C'est la même chose, Théo, je sais pas. C'est Maddie Wilson avec son titre Tomboy. Bon, wow. C'est pas trop mal. C'est pas mal. Parce qu'il revient de loin. On va regarder la série H dans un instant sur Indestar, juste après Tomboy. Les accords sonnent comme une évidence. Indestar, là où tout commence. Où tout commence. Indestar, là où tout commence, et en ce vendredi soir, c'est plutôt la semaine qui se termine, et cette fin de semaine, vous la passez avec nous sur Indestar, avec une émission jusqu'au bout de la nuit, les démons de minuit, une émission à la maison, chacun chez nous pour parler de pop culture et d'humour. Et j'avais envie d'aborder une série que je viens de terminer, et pourtant elle s'est terminée en 2002, donc preuve que j'ai toujours de l'avance. C'est la série H, qui est disponible en ce moment sur Netflix depuis pas très longtemps. C'est une série de vikings. Je viens de la terminer. Pardon ? C'est une série de vikings. Non, pas du tout. Non. Alors, H. Il y avait Karamazov en viking. Excellent. C'est dans un hôpital. C'est dans un hôpital que ça se passe. C'est une série ou plutôt une sitcom qui date de 1998. C'était à l'époque où Canal+ cherchait en fait un programme pour son samedi soir parce que je ne sais pas vous expliquer la raison, mais le CSA, t'en parlais tout à l'heure, Teddy, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, avait interdit à Canal+ de passer des films à cette heure-là sur Canal le samedi soir. Donc il fallait qu'ils aient un autre programme qui soit plus court. Ils ont fait un appel à projet, il y a quelques projets qui sont sortis, mais il n'y a rien de bien concluant. Jusqu'à que Xavier Mathieu et un certain Kader Aoun, qui est pour Canal, on va dire, le producteur emblématique des programmes Canal, parce que il a participé à Nulle part ailleurs, il a participé au Guignol, il a participé au Burger Quiz, au service après-vente aussi. Enfin, tout ça, c'est lui, c'est Kader Aoun. C'est le monsieur esprit Canal+, quoi. Et il y a Derek et Ramsey aussi qui joue dans la série et qui fait partie de l'écriture de H. Et fun fact aussi, dans l'écriture des vannes, il y a Benabar qui écrit le mec qui veut pas aller à son dîner là, il était auteur pour la série, donc j'ai trouvé ça assez marrant de trouver cette petite anecdote. Il a même pas l'air drôle du tout, le gars, en fait, de base. Le lien entre sa carrière de chanteur et ça, si, parce que quand t'écoutes les paroles de Benabar, on a quand même un petit peu d'humour, etc. Donc pourquoi pas, hein. Bon, après c'est un autre métier aussi, hein. Et pour les méthodes de tournage de H, ils sont allés s'inspirer des Américains. Ils ont fait un petit voyage aux States pour aller voir comment était filmé Friends. Ils ont essayé de reproduire les mêmes méthodes en fait de production de tournage. Quant au lieu, en fait, au début, alors les trois premières saisons sur les quatre ont été tournées sur les plateaux de la plaine Saint-Denis, où étaient tournées toutes les séries AB Productions avant, hein, comme Hélène et les garçons, Le Miel et les abeilles, Les Musclés, tout ça. Donc ça a été tourné là-bas. Lieu donc qui change pour la saison 4 puisque ça a été tourné à Boulogne-Billancourt. Visuellement, on voit surtout le changement entre la saison 1 et la saison 2, où le décor en fait change totalement. On a l'impression qu'on n'est plus dans le même hôpital. Et d'ailleurs, même extérieurement, quand ils mettent des images de l'hôpital, c'est pas les mêmes, quoi. Voilà. Donc, pour vous faire un petit synopsis de la série, comme tu disais tout à l'heure, je ne sais plus qui disait ça, qu'on était dans un hôpital, effectivement, c'est le lieu. Il y a des, ouais, Linda, il y a des patients, il y a des infirmiers avec Eric qui s'appelle Aimé. Aimé Césaire voilà, dans la série. Il y a Béatrice, Béa et Clara. Le standardiste aussi. Et il y a le standardiste, ouais, qui est Jamel. Ouais. Jamel qui est standardiste. Il y a le presque chirurgien en chef qui est le professeur Strauss, qui est nul à chier en tant que professeur. Voilà. Faut surtout pas se faire opérer par lui. Mais et on sait pourquoi. On a la réponse à pourquoi il est nul. Oui, on a la réponse au dernier épisode de la dernière saison. Ouais. Il est pas professeur. Il a usurpé l'identité de quelqu'un. Ouais. C'est un stagiaire à la base. Et on a le brancardier qui deviendra barman ensuite. C'est de Ramsey alias Sabri dans la série. Voilà, donc tourne autour de cet univers hospitalier, mais pas que, parce que à partir de la saison 2, ça, vu que Sabri devient barman, il y a aussi des épisodes qui se passent en partie dans le bar, dans des scènes extérieures. Ce qui est sûr, c'est que même si c'est, on va dire, une série autour d'un thème hospitalier, ça a rien à voir, par exemple, avec un urgence ou un Dr House. Ça a même rien de clinique, en fait. Hein. Faut pas, surtout, ne faites pas une opération comme le professeur Strauss, parce que ça va sérieux là-dedans. Ouais. C'est juste un prétexte, en fait. Enfin, oui, c'est juste un prétexte de contexte, ouais, exactement, Laura. Donc la série, elle est lancée le 23 octobre 98. Alors pour situer, on est encore en franc, forcément, à l'époque. On vient de gagner la Coupe du Monde. On est dans l'esprit fraternel Black Blamber, et ça se ressent vachement, en fait, dans l'esprit de la série, et ça se voit aussi avec les guests qui apparaissent de temps en temps. On a Thierry Henry, par exemple, à un moment donné. Il y a Gérard Darmon qui fait une apparition, il y a Pierre Palmade, il y a PPDA à l'époque qui était présentateur du 20h. Enfin, il y en a plein qui passent. C'est qui PPDA? Patrick Poivre d'Arvor. Ah oui, d'accord. Voilà, je ne connais pas. C'était pendant 20 ans. Et puis, ça parle pas mal aussi de Zinedine Zidane, ou plutôt de Zimdim Zimdam, comme dirait Jamel. Jamel qui est un des trois personnages centraux de la série avec Eric et Ramsey. Et. En fait, ce trio, alors on sent qu'il y a beaucoup d'impro, qu'on est constamment dans la vanne, hein, tout le temps dans cette série, avec des déformations de mots, des approximations, du comique de situation, tout ça. Il y a vraiment de ça, de répétition aussi avec par exemple Jamel, c'est mais dites-moi pas que c'est pas vrai. Enfin, voilà, des choses comme ça, des mimiques qui reviennent. C'est vraiment ce trio qui donne le rythme. Alors dans un sens, c'est une bonne chose parce que enfin, moi, j'ai trouvé, hein, dans la série, que ça donnait vraiment du rythme, etc. Et on sent vraiment une complicité entre les trois. Par contre, c'est sûr qu'il y a eu aussi des dommages collatéraux. Alors, en plateau, par exemple, il y a eu le professeur Strauss, qui est la personne qui brille par son incompétence de chirurgien. Et à la fin de la série, il a hâte que ça s'arrête parce qu'il n'en peut plus de tourner avec les trois. Et il y a un autre personnage aussi, c'est Béatrice, qui quitte la saison, elle, en plein milieu, parce que, bah, pareil, elle n'est pas d'accord avec son personnage un peu de nunuche qui s'en prend plein la gueule et qui a droit de rien dire. Et en fait, il n'y a même pas une scène, si tu veux, de départ ou de référence au fait qu'elle soit partie. Donc, c'est un petit peu frustrant et ça montre bien que, bah, en fait, ils voulaient vraiment se concentrer sur ce trio gagnant qui délaisse un petit peu les autres personnages de la série. Donc, ça crée une sorte de déséquilibre sur la balance qui est pas forcément gênant quand on regarde la série, parce que le trio fonctionne super bien. Il gagne bien sa vie d'ailleurs, hein, parce que dans les petites choses que j'ai lues, on était à peu près sur du 30 000 euros par épisode pour Jamel, par exemple, sur la saison 4. Ah ouais. Donc oui, c'est quand même un bon salaire. Mais c'est ça qui a lancé d'ailleurs. Par épisode, ouais. En fait, c'est ça qui est cool dans cette série, c'est que réellement, que ça soit Jamel ou Eric ou Ramsey, ça a lancé leur carrière, quoi. Et on sent vraiment, c'est le début et c'est cool. Et alors, personnellement, je préfère Jamel à cette époque-là que ce qu'il a fait par la suite. Il avait moins la tête. Mais je trouve qu'il y a vraiment de la fraîcheur, en fait, dans leur jeu d'acteur, et ils sont bons. Enfin, quand on c'est drôle, quoi. C'est drôle. Alors, il y a évidemment, il y a des vannes décrites, etc. Mais on sent aussi, comme on parlait de Funès au début, hein, mais on sent vraiment qu'ils savent se détacher du texte et improviser, quoi, aussi sur les vannes et aller plus loin, etc. Et ça, ça marche, et ça marchait à l'époque parce que la série a vraiment cartonné, alors que c'était une série Canal+. On n'est pas sur TF1, mais il y avait peu de budget, en vrai, non? Il y avait, si tu veux, en fait, au fur et à mesure, il y a eu du budget. Ça se ressent aussi d'ailleurs dans la production, parce que dans la saison 1, on est vraiment que dans l'hôpital. Si on fait, on fait un petit tour des détails techniques, mais au niveau du son, on entend de la résonance, des choses comme ça. Ça s'améliore un petit peu dans les autres saisons et on commence à sortir un petit peu de l'hôpital. Donc on sent qu'il y a un petit peu de budget qui est mis dans la série, mais c'est vrai que ça reste des séries à petit budget. Mais ça se joue surtout, ça tourne autour des répliques cultes des trois acteurs. Voilà, clairement, c'est ça qui fait vivre la série, quoi. Chose que je trouve sympa aussi, c'est très en phase avec l'époque. Alors aujourd'hui, ça nous paraît un petit peu désuet, mais c'est vrai que on parle de référents de l'époque. On voit vraiment, j'ai regardé les quatre saisons là dernièrement, donc on voit vraiment le passage du franc en euros, ce genre de choses. Et c'est plutôt sympa. Globalement, moi j'ai beaucoup aimé. J'avais regardé quelques épisodes par-ci par-là avant, et là je me suis mis à regarder les quatre saisons. Et j'ai beaucoup apprécié. T'es un fan. Mais comment tu l'as découvert? En vrai, alors c'est jeune, non? Parce que non, jeune, ça passait sur Canal, donc j'avais pas Canal. Ouais, par contre, pour moi, ça faisait partie de la pop culture de l'époque, dans la cour de récré, etc. Il y a des répliques cultes qui sont vite apparues et qu'on a gardées sans savoir d'où ça venait, en fait, parce que on a eu ou pas là. Je parlais de la réplique de Jamel, par exemple, avec le "Dites-moi pas que c'est pas vrai", mais il y a plein de choses comme ça ou d'approximations qui sont marrants à un moment donné quand c'est lors d'un procès, etc. Enfin, où il y a une embrouille, il y a un quiproquo et tout ça, et Sabri qui dit attention parce que sinon je vais éjaculer la salle. Voilà. Donc, oui, c'est vrai. Il y a plein de choses comme ça qui sont drôles. Alors, après, a posteriori, on pourrait reprocher certaines choses, hein, comme par exemple le rôle des femmes dans la série. Ils sont un peu rabaissés, ouais. En mode bout de jambon que égal au personnage masculin, tu vois, voilà, ça fait un peu machiste. Et puis techniquement, je le disais, hein, la qualité du son, la première saison est pas ouf. Ça résonne, il y a des décors on voit que c'est du décor en carton avec les briques qui sont assemblées au papier peint, quoi. Donc ils sont pas forcément alignés, des choses comme ça, ou les cloisons qui tremblent. Ouais, mais en même temps, c'est pas très grave, j'ai envie de te dire. C'est de la déconne, quoi. Ouais, je trouve que c'est pas grave. Là, c'est comme la porte après du bar de chez Sabri. Il y a certains détails ils auraient pu faire plus attention, dans le sens où voilà, on a l'impression qu'à chaque fois qu'ils ouvrent la porte, il y a un décor qui est différent dans la rue, mais ou les ordinateurs qui sont pas branchés. Mais peut-être que c'est fait exprès. Pour rappeler. Je pense pas que c'était fait exprès parce que l'univers sitcom et l'univers petit budget, même si le budget augmente. Mais en tout cas, moi je trouve que ça fait partie que des détails des 4 saisons et 71 épisodes qu'on a vu le jour, parce que ce qui compte vraiment, c'est la naissance de ces trois talents et de ce trio qui avait l'air infernal sur le tournage. J'aurais pas forcément aimé y être, mais qui est vachement sympa à l'écran, parce qu'on sent vraiment la complicité entre les trois. Comme d'habitude, hein, y a des épisodes qui sont on rigole plus que d'autres, mais c'est vrai que globalement, des fois, ça marche hyper bien, quoi. Si tu devais mettre une note, tu mettrais combien? Une note? Si je mettais une note, c'est dur de dire, parce que, de comparer avec des séries d'aujourd'hui, etc. Mais je serais sur un bon. Enfin, moi, je suis pas très série et j'ai du mal à regarder plusieurs saisons d'une série. Et là, j'ai regardé les 4 sans sourciller. Alors, c'est des petits épisodes de 20 minutes. Donc, comme tu disais tout à l'heure, Martin, ça se regarde bien à la pause déj ou des choses comme ça. Ouais. Mais tu vois, sur 2 mois, j'ai dû regarder les 4 saisons et j'ai pas décroché. Donc, si j'ai pas décroché, ça veut dire que je peux mettre une bonne note. Je mettrais du genre un bon 15 et demi, tiens. Voilà, c'est pas mal, 15 et demi. Y a d'autres personnes dans l'équipe qui est fan d'Ash ou qui n'est pas fan, ça dépend. J'ai regardé il y a longtemps quand j'étais plus jeune, quoi. Ouais, t'aimes bien. Ouais, pareil, c'était quelques épisodes par-ci par-là, mais c'est une série pas mal à se regarder. Enfin, tu peux la picorer, en fait. C'est pas grave si tu suis pas l'histoire, tu la picores en fonction de quand ça passe à la télé. Voilà, exactement, quoi. Et ça fait partie des choses que j'aimais bien, qui se fait plus trop maintenant, c'est que oui, tu peux arriver sur un épisode au milieu et t'as pas de lien fort entre les épisodes, donc tu peux te regarder un ou deux épisodes sans forcément te voir toute la saison, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Me rappelle un peu dans le même style d'humour, c'est Malcolm. Là, c'est autre chose. Dès que ça passe à la télé, genre sur M6 ou W9, enfin, à chaque fois c'est tout le temps ces chaînes-là, dès que ça passe, même si j'arrive en plein milieu de saison ou quoi, c'est à se mourir de rire et t'as pas besoin de savoir la suite, hein, clairement. Non, t'as pas besoin d'avoir l'explication. Non. Mais moi, ce que j'aime pas dans les sitcoms, c'est les voix et les rires enregistrés. Oh, et bah là, non. Dans H, les rires ne sont pas enregistrés. En fait, c'était tourné en public et c'est des. C'est ah des oui, vrais mais rires. Les entends quand même. Tu les entends, ouais. Après, ça fait un peu forcé à rigoler, tu vois. Genre, MDR, c'est là le moment marrant, tu vois. Ouais, mais alors, contrairement, si tu fais le parallèle avec par exemple les sitcoms de AB Productions, tu voyais vraiment déjà d'une que c'était des rires enregistrés et en plus, ils étaient vachement forcés à peu près tout le temps. C'est-à-dire, t'as José qui arrive, ça va les filles, machin, et boum, rire. C'est surtout que alors c'était que les mêmes, non, quoi. En fait, et déjà, oui, c'était les mêmes, et puis en fait, c'était pas forcément une scène qui se prêtait à rire. Alors que là, en fait, le fait que ça soit des rires qui ne soient pas préenregistrés et c'est le public qui juge comme dans un spectacle finalement et ben je trouve que ça passe ça passe largement mieux et en vrai tu me demanderais comme ça brûle pour point s'il y a des rires ou pas dans la série, ben je serais limite incapable de te le dire, tu vois, tellement ça passe naturellement que en fait tu fais plus attention parce que c'est pas t'as pas des rires toutes les secondes alors que pourtant il y a de la vanne tout le temps, hein. Mais les rires sont dans la continuité du truc et ça pourrait être les acteurs qui se mettent à rire ou tout simplement nous en fait qui rions en même temps, donc ça passe, je trouve que ça passe crème, quoi. Ouais, mais du coup juste avant tu disais que les décors étaient un peu cheap, mais si c'est tourné en condition de théâtre à moitié, c'est peut-être enfin, c'est voulu dans un sens, c'est-à-dire que même le générique est très basique, avec à un moment donné le professeur Strauss qui arrive, on dirait qu'il arrive sur rail, etc. pour mettre l'affiche H devant la tête des gens. Mais il y a cet esprit voulu de sitcom et où on centre plutôt sur le comique de situation et le dialogue des persos plus que sur la beauté du décor et la réalisation. Ouais. Oui, puis du coup pour le public qui était présent pendant le tournage, il y avait besoin, je pense, de changer vite de décor, d'enchaîner. Enfin, certainement. Ça s'apparente à une pièce de théâtre en soi. Ouais, c'est ça. Coup, bah oui. T'es obligé de faire un peu des sacrifices au niveau du décor pour gagner en vitesse de tournage, quoi. Ouais. Ouais, même parce que oui, effectivement, c'était pas la priorité et. Oui, t'as raison, Martin. Ouais, je me disais ça, du coup. Non, mais il devait y avoir, je sais pas comment c'était fait exactement, hein, mais il devait y avoir, de toute façon, ça, à part les scènes extérieures qui devaient être filmées à un autre moment, mais bon, les scènes extérieures, ça fait vraiment très cheap pour le coup, parce qu'on voit très peu de plans, et c'est pareil, on est sur du décor qui va servir qu'une fois, donc pour le coup, ils ont mis encore moins de budget. Mais dans les scènes de l'hôpital, il devait y avoir peut-être 3 pièces, en fait, de constituer. Et les plans étaient filmés dans l'une des 3 pièces, quoi. Mais ils devaient être reconstruits à chaque fois parce que des fois on est dans l'accueil, l'accueil revient souvent. Il y a la salle de pause aussi qui revient souvent. Et puis après, des fois on est dans la salle d'opération, des fois on est dans l'espace mortuaire, des fois on est dans le garage, etc. Donc ça, ces pièces-là devaient être montées, démontées, selon les épisodes. Plusieurs fois, ouais. Personnellement, moi, pour la série H, je suis pas très fan. J'ai pas trop apprécié l'humour, comme tu dis. Ils ont un humour un peu space. Je dirais que c'est un peu lourd des fois. Je pense qu'on l'a tous ressenti, en fait, de toute façon. Oui, bah c'est oui. À dire que c'est. Il n'y a pas de pause. C'est à dire qu'on est toujours dans la vanne. Même si elle est mauvaise. Et après, on rigole ou on rigole pas, selon déjà notre type d'humour, et puis selon à quoi on adhère, et puis à certaines situations. Mais oui, c'est lourd. Mais c'est lourd voulu, en fait. Ouais, mais donc après, on peut adhérer ou pas, hein, mais c'est voulu que ça soit lourd, quoi. Après, moi, c'est mon ressenti personnel. C'est comme le concept, en fait. Puis Jamel Debbouze, je trouve pas si drôle que ça, en fait, Jamel Debbouze. Je trouve pas qu'il est drôle. En soi, mais bon. J'avoue que d'une manière générale, je suis pas un grand fan de Jamel Debbouze, mais la série H, je le trouve particulièrement bon dans son improvisation, dans son jeu d'acteur, son improvisation et sa fraîcheur, en fait. On est au tout début de sa carrière et je trouve bon dans sa façon de. faire les choses, etc. Même s'il y a de la lourdeur, tout ça passe parce que ça passe dans le personnage de Jamel. Mais en fait, faut aimer les lourds. En ayant vu certains épisodes avant de manière en tombant dessus comme ça, ouais. J'avais pas forcément. Enfin, j'avais trouvé ça plutôt sympa, mais j'avais pas forcément accroché vraiment au truc. Ouais. Et c'est en regardant au moins une saison complète que tu tombes dedans et que tu t'attaches vraiment au perso, quoi. D'accord. Ouais, c'est ça le truc aussi avec les sitcoms. T'as toujours un peu de mal au début. Pareil, ça m'avait fait ça avec Brooklyn Nine-Nine. Je sais pas si vous connaissez. Oui, c'est sur Netflix. Ouais, ça marche bien, ça, en ce moment. Et pareil, au début, je me disais, bah non, c'est de la merde. Et au final, une fois que tu t'accroches un peu au personnage... Et là vraiment c'est ça devient beaucoup trop. Et puis il s'affine, hein, c'est-à-dire que alors il y a quelque chose d'assez flagrant et un petit peu perturbant aussi, c'est que le personnage de Savry est au départ, on va dire, aussi con que les autres dans la saison 1 où il est brancardier, et en fait à partir de la saison 2 où il devient barman, il devient encore beaucoup plus con qu'il n'était avant. Et c'est assez perturbant, c'est ça, ce que parce t'appelles que en fait, quand on regarde la saison 1 et puis après on regarde la saison 2, on dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a, il a perdu des neurones en route, tu vois le mec. Mais ils ont affiné un petit peu le caractère des personnages. Jamel prend de la science, le Sabri prend de la bêtise. Voilà, c'est plutôt sympa. Eric, enfin Aimé, lui, c'est toujours le coureur de jupons invétéré. Voilà, ils ont chacun leur marque de fabrique propre, mais le comic général est le même, quoi. D'accord. Ma foi. Et voilà. je pensais sitcom, Laura parlait de Malcolm, ça m'a popé tout à l'heure. Je pensais à Ma Famille D'abord, vous l'avez vu ou pas? Oui, Ma Famille D'abord. Ça a bercé toute mon enfance aussi. C'était très bien. On va pas se mentir. Mais il y a des, ouais, y a des séries comme ça. Ah oh, oui, Caddy. Bah, le Prince de Bel-Air que je suis en train de revoir aussi. Ouais, pareil, ça, c'est encore plus vieux. Ouais, ça, c'est beaucoup trop vieux, ça, je connais même pas. Vieux, ouais, ah, bah, le Prince de Bel-Air, c'est entre 94 et 98, je crois. C'est ça. Regarde ça sur quoi, Yann? Le Prince de Bel-Air, c'est sur Netflix aussi. Ah, ils mettent ça sur Netflix. Il est sur Netflix. Ouais, ouais. Ah, ouais, il y a 6 saisons du Prince de Bel-Air, et c'est un petit peu le même concept, et avec le public qui est devant, tout ça, enfin c'était filmé un petit peu dans les mêmes conditions, et j'aime beaucoup aussi le Prince de Bel-Air, et c'est de la même façon, j'étais tombé sur, forcément quand on était petit on est tombé sur le Prince de Bel-Air qui passait à la télé, mais j'avais pas forcément vu tous les épisodes. Et c'est le genre de série époque. Qui peut se regarder en épisode, enfin dans l'ordre qu'on veut, mais c'est sympa d'avoir un petit suivi aussi pour s'attacher à la famille. Oui, c'est ça, c'est ça la force de ces sitcoms-là, c'est que tu peux autant les picorer, mais il y a quand même une suite logique malgré tout, quoi. Si, si t'es plutôt du genre à vouloir tout regarder épisode après épisode, ça le fait aussi, quoi. Ouais, c'est ça, il y a des histoires qui... bon, on n'est pas totalement... comment dire... on n'est pas perdu, si tu veux, si t'arrives au milieu, mais par contre, si tu suis le truc, par exemple, là, dans Le Prince de Bel-Air, les trois derniers épisodes que j'ai regardés, il y en a un, ça se passe avant Noël, un pendant Noël, et puis un au réveillon du 31. Donc voilà, on sent que c'est comme si on vivait un petit peu avec eux et qu'on avait la suite, quoi. Mais par contre, si tu tombes sur l'épisode au milieu de Noël, ça te choque pas, il n'y a pas de private joke entre guillemets de l'épisode d'avant que tu retrouves après et que tu comprends rien. D'accord. Moi j'adorais aussi le professeur dans H. Le professeur Strauss, oui. Bah oui, par sa bêtise et par... Complètement allumé. Il est complètement allumé, le professeur Strauss. Allumé, mais sûr de lui. Ouais. Et carrément. Il avait une connerie en tête. Il a la vérité en lui, quoi. C'est ça, exactement. Et il y a plein de scènes où c'est hyper drôle, mais son ami arrive et puis il fait comment ça va et tout ça. Bah écoute, j'ai le cancer, je suis en phase terminale. Et là, et là, tu vois le professeur Strauss qui fait une tête bizarre, il fait le cancer. Je crois déjà avoir entendu parler de cette maladie. Tu vois, à la base, c'est quelque chose qui est glauque, tu vois, mais il arrive tellement à le tourner dans le comique que ça devient hyper marrant, quoi. Et ça si va. On écoutait une petite musique. Oui, j'ai beaucoup trop parlé. On va écouter Audrey dans un instant avec un petit sujet sur l'humour noir et puis les différents styles d'humour hein, plus généralement. Et avant, on a le 15e rôle avec Mab et en featuring avec Nina Attal sur Indestar avant de nous retrouver à 23h et plein de brouettes parce que j'ai déjà 23h34. Mais on n'est pas couché, on est là avec vous sur Indestar. Indestar. Indestar. Indestar. Indestar. Indestar. Indestar, là où tout commence. Oui, tout à fait, c'est là où tout commence. Est-il obligé de le dire 20 fois ? Indestar, Indestar, Indestar. C'est ça, j'attendais la fin d'une jingle et en fait. Nous sommes là. Mais parce que nous sommes nombreux ce soir dans cette émission à la maison, en mode confiné avec vous, pour parler culture et pour parler rigolade. Et dans l'humour, il y a tout type d'humour. On a parlé un petit peu tout à l'heure de ce qu'on aimait en termes de d'acteur et puis d'humoriste préféré. Et Audrey, toi, tu voulais nous parler de l'humour noir. De l'humour noir, ouais, parce que j'aime bien cet humour, même si c'est pas forcément l'humour qui parlait à tout le monde, hein, je comprends. Et l'humour noir, en fait, c'est un humour hyper sarcastique, voire complètement déprimant. Par exemple, on a une toute petite BD qui s'appelle le hamster nihiliste. Et donc, le hamster nihiliste fait des grèves de la faim qui durent 45 secondes. Et il compte les jours passés dans sa cage en faisant des bâtons sur sa cage. Et il est complètement déprimé et nihiliste, donc il croit au néant. Et moi, ça me fait mourir de rire, ces trucs-là. C'est pareil, là, dans les mains, j'ai une BD qui s'appelle Carpe Diem de Lise L, dans une toute petite maison d'édition qui est Dystopia. Et c'est la vie de corbeaux, des corbeaux qui vivent dans des arbres et tout, mais qui ont une vie de merde, comme des corbeaux, où il se passe rien. Et il se passe tellement rien que ça tourne à l'absurde. Et c'est des corbeaux, donc ils bouffent des cadavres. Et t'as la mère corbeau. Comment ? Ça fait pas ça les corbeaux ? Bah ouais, non. C'est charognard. Puis ça pas c'est non, pas forcément. Ah, je sais pas, ça tourne. C'est les vautours. C'est les vautours et charognards. Les corbeaux, c'est... ça mange de la viande, ouais, mais pas. Vous avez jamais vu des corbeaux sur la route manger les animaux qui ont été renversés ? Ça mange de la viande, mais ça mange pas que ça. Ça mange autre chose. Ouais. Bah si, c'est ça, c'est des charognards. Ça mange pas que de la viande. Ça attend. Okay, non, okay. Mais ça en mange quand même. Bien sûr. Puis ça pas forcément une vie de merde. Il y a une mère corbeau. Il y a une mère corbeau qui pète un câble parce que. Louis-Philippe, il y a le petit qui aide à faire traverser les hérissons. Tu veux que je t'aide, Romuald, peut-être ? Donc voilà, il y a un des corbeaux, que Romuald, qui s'est pris dans le développement personnel et qui sauve les animaux. Ça fait péter des câbles aux autres. Et t'as toute la vie des corbeaux avec leur humour vraiment pourrave, humour noir. Du genre, il y en a un qui meurt, ils font une petite cérémonie et puis après ils le dévorent. Ah, ouais, mais on va quand même perdre. Oui, le respect des morts, mais on ne perd rien. Allez, maintenant, repas, un autre sanglier. Ouais, après, il y a plein de petites. Enfin, il y a des humours noirs absurdes comme ça. T'as Fab Caro qui est très doué sur ça, Zai, par exemple, qui est. Là, c'est complètement absurde. Hein. On tape dans des. Zai, ça me rappelle une chanson. Autre chose, Zai. Mais ça tombe. Genre, what? Et si on aime vraiment beaucoup l'humour noir, mais alors, faut pas oublier que c'est de l'humour. Sur Instagram, il y a un compte qui s'appelle Violente Viande et qui nous fait des trucs des fois. Genre, c'est de l'humour, on n'oublie jamais, mais alors, c'est hardcore. Hein. Qu'est-ce qui nous a sorti Alors, il fait beaucoup aussi d'humour de cul, mais il aime bien taper. Sur tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on a. Je suis en train de regarder le fil. Le fil Teddy, sur lequel tu es abonné sur Facebook, qui est dans l'humour noir aussi. Moi un petit peu de trash. Ah ouais, mais alors, moi c'est un peu particulier parce que grosso modo, c'est un groupe Messenger. Ah oui, c'est un groupe Messenger, c'est un truc privé en fait. C'est grave. Faut pas que ce soit public ça. Mais c'est un ami qui m'a fait rentrer dedans, qu'on connaît d'ailleurs, Michael ou Warl ou Batman, c'est comme vous voulez, ça dépend le nom qu'il vous a donné. Il faisait le MJ dans Relais dans la folie l'année dernière. Oui. Bonjour à toi d'ailleurs, si tu nous écoutes, petite dédicace. Warl. Il m'a fait rentrer dans un groupe un peu bizarre. Je m'y attendais pas forcément. Et c'est de l'humour c'est même pas de l'humour noir, parce que l'humour noir c'est presque gentil en fait. L'humour noir c'est, oui, bah après, c'est pour tout le monde, l'humour noir. Mais faut garder à l'esprit que voilà, on est dans le second degré. Oui, voilà, c'est toujours pour rigoler, enfin pour rigoler, pour se marrer, voilà. Mais bon, ça va loin quand même dans l'humour. Oui, oui, oui. Très, non, mais très loin. On a d'accord, on a différents oui. grades, on va dire. C'est ça, j'en ai trouvé un là sur le fil. S'il vous plaît, les pauvres, arrêtez de fouiller dans les poubelles des grandes surfaces et privilégiez plutôt celles des petits commerçants de quartier. Vous serez citoyen. Bah évidemment. Allez. Évidemment. Donc moi ça fait beaucoup rire. Je sais qu'il y en a qui ça fait pas rire, mais moi ça fait mourir de rire. Je sais même pas si c'est du monde noir. On parlait de Laura Lone. Laura Lone est dans l'humour noir aussi. Et les artistes, alors nous on a Guédré qui passe sur Indestar, qui est pareil, voilà, quand elle a fait la chanson sur Tumeur ou mourir ou, là. Des choses comme ça, enfin c'est. On est totalement dans l'humour noir. Il y en a un aussi que j'aime beaucoup, c'est Didier Super. Voilà, ouais, Didier. C'est un espèce de. Ce que j'ai lu qu'il avait offert son dernier album pendant le confinement aux gens. Ah ouais? Ouais, d'accord. Et qu'il s'est fait défoncer par sa prod en fait. Ah bah tu m'étonnes. Oui, mais il en a rien à foutre, Didier Super. Ouais, c'est ça qui est génial, c'est ça qui est super. Que bon. C'est un rebelle. Ouais. Mais excellent, Didier Super. Enfin, et le mec arrive à passer sur France Inter, avec des chansons où il arrive avec sa guitare. Il dit bon, voilà, je sais pas ce que je vais vous jouer, mais je vais jouer quelque chose. Et là, il part dans son truc. Et en fait, il y a de la dénonce dessous, il y a des choses, mais sous forme d'humour noir et tout. T'as des chansons, il y en a des biens, on va tous crever. Enfin bon, il y a plein de petits trucs. Elle comme a fait ça. Des super chansons pendant le confinement. Ouais, mais oui, non, mais ce mec est excellent, j'adore. Et en fait, tu arrives, t'as l'impression que c'est un beauf qui arrive avec sa guitare et qui va chanter un truc de merde. Et effectivement, il a une voix de merde. il chante à l'arrache. Mais c'est quand même un contenu beau. Intéressant. Mais c'est parce intéressant. Que... Il y a un artiste, quoi. Donc j'aime bien. Cette chanson, on va tous trouver. Il l'a sortie notamment pendant la première période de confinement, c'est ça? Enfin, où il l'avait. Non, il avait ça. Non, elle est vieille cette chanson. elle date d'il y a très très longtemps, mais il en a ressorti plein d'autres et par rapport à l'actualité, par rapport à plein de choses. Mais ouais, non, on va tous crever, ça fait un moment, ouais. J'ai une question pour toi, Audrey. Il faudrait la mettre en musique d'attente, tu sais, dans les boîtes qui vont fermer. Oui, bah là, en ce moment, ouais. Il y a la part du monde qui nous gâte, on fait la fête. tu nous parlais du mort noir. On va, parce qu'on va tous crever. Mais il s'est déjà fait casser la gueule en concert et tout, il s'est fait rétamer. Un truc Ah bah ouais, mais il a chanté des choses en concert. C'est que quand tu t'y attends pas et que t'as un Didier Super qui arrive sur scène, il dit hey, sont belles mes nouvelles baskets, hein. Et c'est génial, voilà. Mais il faut savoir que c'est humour. Faut adhérer. Faut adhérer. Ouais. Tu nous parlais d'humour noir tout à l'heure, Audrey. Est-ce que c'est ton humour préféré? J'ai pas entendu, t'as dit. Excuse-moi. Ah, tu nous parlais d'humour noir. Oui. Est-ce que c'est ton humour préféré? Préféré, je sais pas, mais quand je tombe sur mon fil Insta avec ça, je me régale toujours. Tu sais pas si ça pourrait être ton humour préféré, mais est-ce que t'as une idée de quel style d'humour ça pourrait. Enfin, lequel te plaît le plus ou te correspond le plus? En vrai, c'est hyper situationnel comme c'est dur. Réponse. Je te confirme. Ça dépend avec quel poteau t'es. Genre faire un blanc manger coco. Ça peut très vite partir en cacahuète, en humour noir. C'est clair. Et il faut être avec les bons potes, mais c'est hyper drôle. Enfin, je l'ai... faire des blancs manger coco. Pour te dire, je l'ai fait avec ma mère. L'humour noir, c'est pas trop son truc, mais je dois t'avouer que. Ouais. Et encore, blanc manger coco, c'est sympa, mais. Ouais, je veux. C'est pas que ma mère. Non, mais il y en a des trop bien. Non, mais tu sais, il y a un proverbe, alors je l'ai plus vraiment en tête, mais un proverbe qui dit on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et. Exactement. Bah, ouais, mais c'est ça. Je me suis retrouvé en fait, mal. Bah, selon les personnes avec qui tu te trouves, voilà. Bah, tu peux pas rire de tout avec. La même chose, et t'as pas forcément le même humour. Et on va dire. On n'est pas cloisonné dans un type d'humour forcément. Moi, je non, mais on a beaucoup de. On en a un qu'on préfère toujours un peu plus que les autres ou qu'on se sent plus à l'aise en tout cas. Toi, par exemple, c'est l'humour faire. un peu différent. On peut apprécier plusieurs types d'humour. Oui, c'est sûr. Je sais que moi, par exemple, j'aime bien l'humour et j'aime bien en faire. Et j'aime bien faire tout ce qui est jeu de mots, tu vois. Oui. Plus que du comique de situation. J'allais dire l'humour beauf, mais. Là, tu veux un jeu de mots? Moi, je mets un jeu de mots d'actualité. Ne pas se tromper une deuxième fois. C'était C'était son journal satirique, le carnaval enchaîné. Là, au je suis bien d'accord. Voilà. J'espère pour eux, ouais. Laura ah non, c'est Virginie qu'on entend là. Je sais pas ce que vaut le deuxième. Hein. J'ai peur aussi. Hein. Non, c'est juste qu'on sait ce que donne le premier, c'est pour ça. Ça peut pas être pire, c'est ça qu'il faut se dire. Bah si, ça oui, peut toujours gros, être pire. Ça, ouais. En vrai, on a dit ça pouvait pas être pire, puis on a eu Trump. Bah oui, mais non, mais justement. Ah, mais Trump, on savait. On savait que c'était pire. Il y a eu Kanye West, les gars. Kanye West. Ouais, mais il est pas passé. Moi, j'aurais voté Kanye West. Merci, Martin. Non, mais Kanye West, quoi, ce gars est pété. Enfin, bref. Laura, toi, ton style d'humour que tu préfères, ça serait quoi? Bah, moi, j'adore l'humour noir aussi. Voilà. D'ailleurs, j'ai une blague. Ah, bah, vas-y. Je vais la placer. Quoi, il y a un concours de blagues à la fin. J'ai ouais. Si la garder pour peut-être, la fin. Ouais, peut-être garde-la. Pour garder le suspense. Mais j'adore l'humour noir, j'adore l'humour, les jeux de mots. L'humour absurde aussi, genre vraiment quand ça part dans le plus absurde des absurdes, des fois c'est là où c'est le plus drôle en fait. C'est quand c'est pas drôle, des... enfin, quand c'est pas drôle que c'est drôle. Ouais. Exactement. Oui. C'est vrai. C'est complètement ça. Linda, et toi, je déteste par contre quand je fais une blague, enfin, ou quand on est dans un délire, tu sais, il y a une personne qui arrive et qui dit oh là là, mais t'as fumé ou quoi, tu parles. Qui casse le délire. Genre, ouais, c'est pas drôle quoi. Ouais, C'est ça, enfin. Toi, essaie de faire des blagues avant de me dire ça, ok? Mais c'est ça. Non, mais vas-y, fais une blague, vas-y. Je suis vraiment d'accord avec toi parce que ça m'arrive tout le temps. Tellement. Le pauvre. Non, mais c'est ça. En plus, c'est les personnes qui font pas de blagues et qui disent ça aux gens qui essayent de faire des blagues, tu vois. Bien, je trouve ça trop triste. Alors qu'en vrai, une blague, tu ne peux pas. Tu peux difficilement faire l'unanimité à part si t'es dans un cercle d'amis hyper restreint et que t'as. Si t'es avec une personne, ça passe. C'est ça, oui, c'est pour ça que t'as beaucoup d'humoristes différents. Les jokes, tout ça. Beaucoup d'humoristes différents, il y en a pour tous les goûts en fait. Mais c'est ça, mais je trouve que l'idée de. Enfin, moi je blâmerais jamais quelqu'un qui essaye de faire des blagues, tu vois, parce que ouais, des fois il y a des trucs que je peux trouver plus ou moins drôles, mais à partir du moment où ça n'enfonce personne. Et ben c'est vas-y tente tu vois et puis on rigolera ou on fera semblant de rigoler mais on va pas te dire non plus quelque chose que, par contre que je récrimine à 100% c'est genre les blagues sexistes et les blagues racistes mais tu sais quand elles sont vraiment visées quoi enfin je veux dire quand on est plus dans le second degré ouais quand on est plus dans le second degré et qu'on utilise le pseudo humour pour en blesser fait blesser quelqu'un ouais et là bah c'est plus de l'humour finalement donc là ouais non c'est de l'humour rigole oh ça va rigole alors que tu sais que non c'est juste de la lourdeur et casse-toi connard t'en as un chanteur qui s'en prend plein la gueule par la plupart des humoristes hein, d'ailleurs même par tout le monde c'est Christophe Maé. Ah bon le pauvre ah bah ouais. Je sais pas pourquoi mais il prend trop cher il appeler la tortue déjà oui, mais la tortue c'est gentil tu l'aimes la tortue bah oui oui mais c'est Christophe je confonds il prend tellement cher alors il prend tellement cher il prend la gueule Christophe Maé mais c'était plutôt gentil hein c'était un humoriste comme ça j'ai plus son nom ah non mais c'est pas un humoriste c'est tous les humoristes parce que genre par exemple le pire cadeau que tu peux recevoir c'est des places de concert de Christophe Maé même la mort ça vaut mieux ça par exemple alors oui chanteur chanteuse Kinvé aussi nombre de personnes qui sont entre guillemets contre Kinvé et même Kinvé il a de l'autodérision sur lui genre il est putain c'est con si vous avez mon album pour Noël enfin genre il c'est sûr. Des tweets d'autodérision à force d'écouter des sketchs. À force d'écouter les sketchs comme ça, je me dis oh putain le pauvre il prend cher. Petite pensée à toi. En fait, tu te souviens mine de rien, tu te souviens de Christophe Maé. Ah bah ouais là je peux te dire que je vais m'en souvenir toute ma vie. Et tu dis ah ouais Christophe Maé c'est vrai qu'il existe en j'ai une regrettance. Ah bah oui. Voilà, t'as envie de raconter. Linda, merci pour les humilités. C'est quoi toi ton style d'humour préféré? J'aime bien la satire du coup, tu vois, j'aime bien le carnaval enchaîné, j'aime bien tous ces trucs, l'actualité dans ce moment. Moi, Charlie Hebdo Charlie Hebdo, c'est drôle, certains trucs sont drôles. Quoi. Certains trucs. Faut prendre au deuxième degré, voilà, et puis faut. Pas tout, mais faut certains rire trucs. De tout, quoi. Ouais. Voilà. Je vois. Virginie, toi, c'est quoi, toi? Moi, je suis une grande fan des chiens. Des chiens? Des chiens. Chiens. J'adore les chiens. Les chiens. Ah oui, mais c'est que je t'en. Des chiens. Avec Yolande Moreau, François Morel, c'est... vous voyez ce que c'est ou pas? Moi, j'ai compris des chiens, moi. Quatre pattes, une pute. Ouais. Et pour moi, mon préféré, mon sketch, c'est la glace au boudin. Oh là là. Ça la glace au boudin. Ça fait mille ans que je l'ai pas vu. Mais je vous invite à regarder les déchiens, pendant cette période qui est pas du tout drôle. Moi, à chaque fois, je me tape une barre. C'est quoi cool. C'est la famille. La famille Bidochon. Oui, clairement. Poil tout le temps, quoi. Ouais. Moi, personnellement, je regarde des chiens toute la journée. Chiens. Mais oui. Non, toi, c'est des waf waf. Ouais. C'est des waf waf. Bon, c'est de la blague de merde, j'avoue. Mais moi, j'aime bien l'humour de merde aussi. J'aime bien essayer de faire de l'humour. L'humour de merde. Bah hein, moi, j'en ai. J'ai un exemple. Benny Hill, par exemple, ou l'autre. Comment il s'appelle, celui qui fait des doigts là quand il part en voiture, putain. Ah, Mr Bean. Ah putain, qu'est-ce qu'il est bon lui. Mr Bean. Lui, c'est un génie. C'est un génie. Mais alors pour moi c'est pas la même chose entre Benny Hill et Mr Bean, parce que Mr Bean on est vraiment sur de la gestuelle, il parle pas quoi Mr Bean, vraiment c'est du visu. Et moi j'aime beaucoup Mr Bean, j'ai commencé à regarder ça quand j'étais gosse, tu vois, et c'est du Charlie Chaplin quoi, en moderne. Mais j'ai beaucoup aimé cette période Mr Bean. Génial. Assez con hein, mais ouais j'aime beaucoup. Alors que Benny Hill c'est un peu tourné cul déjà des fois, voilà, mais souvent même. Ouais, alors j'ai plus de mal, enfin c'est personnel, hein, mais avec l'humour, on en parlait tout à l'heure de Jean-Marie Bigard ou Benny Hill, ou enfin des trucs comme ça. Je trouve ça vite lourd en fait, mais ça c'est très perso. Hein. Ouais. D'accord. Il en faut pour tout le monde. Je crois qu'on va te faire plaisir, Théo. Avec la prochaine musique qu'on va écouter, parce que je crois que t'aimes bien. Ah, la prochaine musique, c'est même, on va dire même les prochaines musiques, parce que c'est un bootleg. C'est un bootleg et c'est surtout une artiste que t'aimes bien. Avril Lavigne, qui est mon idole de jeunesse, ouais. Avec Poppy. Et le titre s'appelle Complicated Low Life. Et juste après, on aura le battle de blagues sur une histoire. Yeah. Mes talents. préparez vos vannes parce que ça va envoyer du lourd. Hein. C'est dans 3 minutes, à tout de suite. Confidence pour confidence. Une des stars. Là où tout commence. Eh oui, des fois, Avril Lavigne se change en chanteuse reggae, ça arrive. Bienvenue sur Indestar, si vous venez de débarquer, il est déjà minuit, les amis, on est encore là, ouais, chouette, pour faire une battle de blagues pour terminer cette émission culture spéciale humour. On a la championne de la blague, à savoir Laura, on est notre championne de la blague, à savoir Virginie, et puis on a aussi Linda qui est là, on a Audrey, on a Teddy, on a... qui j'ai oublié ? Il y a Martin qui est là aussi. Qui commence ? Et Virginie, est-ce que tu veux ton slogan de la blague, ton jingle de la blague ? Ah ouais, parce qu'on a un jingle fait à la bouche spécial pour toi. Alors, je veux bien le slogan. C'est la blague super nulle de Virginie. C'est la blague super nulle de Virginie. Allô. Super ce jingle. C'est quand même le meilleur jingle au monde. Hein. Bien sûr, évidemment, c'est pour Virginie. Environ 1€ du budget. Je ne sais que dire. Tu es sans mots. Avec un peu de chance, t'auras des bruitages. Non, mais il paraît que Laura elle avait une blague en stock. J'en ai plusieurs, mais j'ai pas envie de lancer toutes mes cartes tout de suite. J'en lance une et après place à Laura. Vas-y. Allez, vas-y. Ça marche. C'est une devinette. Alors, quand je sèche, je me mouille. Que suis-je ? Ah ! Mais oui, j'ai souvenir de cette devinette, mais je sais plus. Un élève qui a oublié sa poésie ? Je me mouille. On est tous en période de réflexion là, sur une histoire. Mais j'ai hyper peur de la réponse quand même. Bah vas-y, donne la réponse. C'est pas quelque chose de sale, je crois. Pas du tout, parce qu'on s'en sert tous les jours. Je sèche. Une serviette ? La serviette, ouais. Bah oui. Ah, bah on a trouvé, du coup, c'est pas drôle. Ok, c'est bon. Merde. Oui, d'accord. Mon cerveau fonctionne à peu près à minuit. Vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. D'accord. On va demander à Laura. Parce que du coup, j'ai 3 blagues en tête. Mais est-ce que je fais une par une? Ouais, vas-y, fais-en une et après. On passera la balle. Ouais. Non, mais tu feras les autres après. Ah, j'ai eu peur. Dans ton humour. Comment On appelle le Harry Potter breton. Waouh. J'ai peur de savoir la réponse. Lankou. Lankou. Non. Comment on l'appelle? Enabo. Non. C'est quoi le nom du... Pour être plus précise, c'est quoi le nom du Harry Potter breton? Je sais pas. Il n'y a pas. Bah du coup, Laura, quel est le nom du Harry Potter breton? C'est une blague que j'ai inventée, hein, donc c'est de mon propre cru. Oh. C'est mon Attention. Millésime 2001. comment on appelle le Harry Potter breton? On l'appelle Harry Potter. Mais oui. Demi-sel. La fleur au beurre. Voilà. Ouais, demi-sel, tout ça, tout ça. Demi-sel. Elle est bien, elle est bien. Merci. Pour dire sur la bouffe, il y a un rappeur qui rentre dans une fromagerie. Qu'est-ce qu'il dit? Oh non. Si, oh non. J'aime bien. Il veut du fromage râpé. Faites du bris. Voilà. Voilà. Merci Teddy. De rien. Pour les bruitages. Ah, je vais suivre là. Hein. Je suis au taquet. Hein. Mais c'est important les bruitages dans la vanne, sinon tu te sens vite seul. Mais oui, c'est ça. Puis si je vous mets l'eau. Le matin, quand j'étais tout seul, je faisais beaucoup de vannes et il me fallait les bruitages derrière parce que sinon je me serais senti très très seul. J'ai une petite question si vous voulez, moi. Vas-y. Comment s'appelle le cul de la Schtroumpfette? Ah, la. Ah, je la connais. La. Bah, si je le dis, c'est pas drôle, donc vas-y. Alors, c'est la, le Blu-ray, tout simplement. Le Blu-ray, oui, mais je l'ai vu tout à l'heure. Pour la Blu-ray? Mais je comprends pas. Le Blu-ray. La raie bleue. La raie. Ok, la raie du cul, ouais. Martin. Effectivement. Est-ce que t'as une petite blague, Martin? Ouais. Vas-y. Comment? Martin, la détresse. Ouais, tout à fait. Bien sûr, tu sais pas combien j'ai de blagues, moi. Comment appelle-t-on des gars dépourvus de testicules qui se battent? Des Inuits? Ah non, des Inuits, pardon. En fait, je sais pas. Non. Des Ankouilles? Okay. Bah ouais. Non, un combat sanglant. Ah, pardon. Très fin comme humour, très subtil. Mais tant que ça marche pas, en fait. Hein? Pourquoi? Ah bah non, c'est pas oui, c'est... Oui, j'avoue, il est débile. J'avoue. C'est quoi ce site de merde? Ah là là. Elle est pas biologique. Oh, si, j'en ai une bien là, si vous voulez. Vas-y, vas-y. Ok, je me rattrape. C'est l'histoire de Why. Why est bûcheron. Car depuis tout petit, Why aime scier. Je me suis dit, il a dit Why, il aime scier quelque chose. Elle est mignonne. Moi j'en ai une. Non, moi j'ai rien. J'en ai une. Oui. C'est l'histoire d'un zoophile qui rentre dans un bar. Ah bah non, c'est tout. Non, c'est tout. C'est tout. Alors plus jamais t'es dit. Hein, déjà. C'est un zoophile qui rentre dans un bar, c'est tout. Bon, je me mets à rire parce que. Ah, voilà. Okay. J'ai une blague humour noir si vous voulez. Vas-y. Allez. J'ai peur. Pourquoi la petite fille tombe de la balançoire? Est-ce qu'on l'a poussée? Parce qu'elle a pas de bras. Elle a pas de bras, mais oui. Mais oui, mais oui, je valide. Bon, une plus mignonne, c'est l'histoire d'un papier qui tombe à l'eau. Il crie « Au secours, j'ai papier !» Ah bah oui, forcément. Une mignonne aussi encore, si vous voulez. Ah, il me faut un autre rire. C'est quoi une chauve-souris avec une perruque? Une souris? Une souris. C'est mignon. Oh, c'est une quoi? Bah une souris, parce que... Ah bah une souris, ah bah oui. Ça c'est le rire d'Amélise. Pardon. J'ai une blague de mon propre millésime aussi et qui est assez absurde. Donc c'est vraiment un level au-dessus en fait. Donc t'es sûr dans les méta-blagues. Okay. On est prêt. Alors en fait, enfin ma voix aussi s'est fait comme ça hein, que ce soit un peu bizarre. En fait c'est l'histoire d'un gars il rentre dans un bar et il commande une pinte. Mmh. Les blagues pragmatiques, c'est pas vraiment des blagues, mais c'est pragmatique. Moi, c'est le jingle qui me vend de rêve. Ouais. Et voilà, et en fait, j'ai inventé un personnage, genre, en fait, qui sait pas raconter des blagues et qui raconte juste des blagues pragmatiques. J'avais un collègue quand j'étais à Clermont qui était excellent en blagues comme ça, avec ce genre de choses. Oui, j'en ai plus en tête, mais genre, il y a un truc avec une roue et puis il a volé, et quel est le rapport? Et puis toi, tu t'essayes de chercher et tu trouves pas. Il te raconte le rapport avec la première chose et puis il dit bah l'autre j'ai menti ou l'autre on en a rien à faire et tout ça. Je trouvais ça hyper drôle, ouais. J'aime bien le gars qui sait pas raconter des blagues, c'est cool. C'est comme des histoires de films très mal racontées. Oui, vas-y, raconte-nous, parce que tu nous as expliqué le concept tout à l'heure, Audrey. C'était... Ouais, avec des copains, on joue à ce jeu-là. On joue à raconter très mal des films, mais genre extrêmement mal, du genre. C'est l'histoire d'un gars, il se baigne dans une eau beaucoup trop froide. Et dans ce film, il y a aussi une voiture. Et puis, en fait, il y a aussi une nana qui veut des trucs, mais en fait, elle change d'avis tout le temps. Et puis, à la fin, elle monte sur une planche. Moi, je l'ai, mais je le dis pas. Ben si, vas-y, dis pour montrer. C'est Titanic ? Ouais. Voilà. Ouais, c'est parce qu'on avait parlé tout à l'heure. Et là, tu le fais en live, en fait, c'est chaud. Bah oui, c'est hyper mal raconté. Bah oui, t'essayes d'extraire certains éléments du film et puis tu racontes du film qui raconte le film, quoi. Quand raconte, Audrey, elle est un peu comme ça. T'es seul contre tous. Ouais, c'est ça. Tous, c'est exactement ça. Tous. J'avais envie de le placer. Mais oui, sons, oui, il est content. On lui a donné une boîte à son, il est ravi. C'est clair. On a tellement joué avec ces sons-là l'année dernière. C'est clair. Qui d'autre a une histoire pourrie à raconter? Enfin non, mal racontée. Moi, j'en ai une nulle, si vous voulez. Vas-y, Luna. Que fait un crocodile quand il rencontre une super femme? Il l'accoste. Mais bien sûr, évidemment. Ah merde. Yeah. Excellent. Pardon. Teddy, il en peut plus jouer avec les sons là. Il faut le laisser toute la nuit jouer avec ça, il n'y a pas de soucis. Et en plus, pour l'anecdote, le rire qu'on entend, c'est le rire d'une animatrice d'Indestar, c'est le rire d'Amélie. Hein. Donc, ah, mais c'est pour de bon! Qu'on avait enregistré dans une émission l'année dernière qui avait été fait en live, et j'avais extrait ce son, je me suis dit, hey, je vais le mettre en bruitage, ça va être cool. Voilà, ça marche Amélie, très bien, effectivement. C'est un rire plutôt atypique, on va dire. C'est atypique, c'est le mot. Ouais. Bon, Laura, t'en as encore plein sous la patte, tu es sûr? Qui veut tenter? Ouais. Oui, t'avais d'autres blagues. Vas-y. C'est l'histoire d'un pangolin et il contamine toute la terre entière. Les blagues pragmatiques. Mais c'est pragmatique. Tu veux faire une blague vraiment pragmatique? C'est je viens de la comprendre. C'est moi qui mange du pangolin. C'est pragmatique, oui. Ouais. Oui. Et après, il y a le coronavirus. Bref. Bah, c'est bon, j'ai plus envie de rire. Hein. Virginie, t'as une blague? Allez, bonne soirée tout le monde. Bonne nuit, c'était sympa. Non, mais Virginie, elle en a encore, j'en suis sûr. En même temps, c'est pour ça que nous sommes ici, chacun de notre côté. Hein. Virginie, elle est dans son canapé en train de s'endormir, en train de dire ils sont vraiment trop cons. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Ah, elle attendait son tour sagement. Elle attendait son tour sagement. Vas-y, Virginie. Ah non. Ah non. Alors, pourquoi tu me parles, toi? Va te faire foutre. Ne se prononce pas. NSBP. Vous êtes déconnecté. J'aime bien terminer par cette vanne. Cette dernière vanne, elle était top. Moi, je dis qu'on peut arrêter là. Ne nous engouffrons pas dans. Dans les abus de l'humour, parce qu'on pourrait y perdre nos ailes. J'ai cliqué sur le vrai bouton. Pardon. C'est ma phrase philosophique. C'est parce qu'il est minuit 10, hein, c'est pour ça. Et peut-être parce qu'il est minuit 11 même, ouais, tout à fait. Et là, vous dites, mais non, il est pas minuit 11 parce que je réécoute l'émission en podcast parce que je suis intelligent. Et oui, j'ai pu trouver l'une des 20 plateformes sur lesquelles cette émission est diffusée. Par exemple, j'écoute sur Deezer en ce moment et je peux réécouter n'importe quelle émission d'Indestar parce que je sais qu'on peut réécouter cette émission en podcast, c'est trop bien. Et oui, vous pouvez le faire, tout à fait. Mais vous pouvez aussi profiter de la musique 24/24 et des découvertes Indestar avec, par exemple, comme ça, comment ça s'appelle? J'arrive pas à voir le titre. Anne-May Kantereit. C'est quoi, c'est allemand ça? Non, pas trop. Mais ah Jenny, bon. Jenny, anglais. Quelque chose qui va passer, quoi. Également la Chazamé, Chazamé. De Sam Biggs. Et. Ah, mais attends, on l'a deux fois. Comment ça, on l'a deux fois. On nous a branlé. On a deux fois Jenny Jenny. Si tu peux nous en enlever un, t'es dit, ça sera très bien. On ah oui, beaucoup, hein, mais c'est normal. C'est parce que l'ordinateur a décidé de la remettre après. Ah, le bâtard. Ah, bah. Okay. C'est la faute du matos. Mais l'ordinateur oui. aime beaucoup cette chanson. Nous aussi, hein, sur Indestar, comme tous les artistes émergents qu'on vous fait découvrir tout au long de l'année. On se donne rendez-vous lundi, les amis. Oui. Yeah. Ouais. Lundi soir 21h, émission. On n'a pas encore le thème, mais ce qui est sûr, c'est que on va passer un bon moment ensemble. Donc, et on va faire plein de blagues. Imaginez plein de blagues pragmatiques. Une émission spéciale blagues pragmatiques. Pragmatique. En fait, c'est une émission d'information finalement, si c'est vrai. Oui, j'avoue, c'est ça. Ouais. Les brèves pragmatiques. C'est ça, ouais. On vous souhaite une belle soirée. Bonsoir. Pour passer un bon week-end. Des bisous. À la maison. Repeignez votre couloir hein, si vous n'avez rien à faire. C'est ce que j'ai fait pendant le début de la semaine. Ça occupe. Oh. Le conseil confinement, repeignez votre couloir. Et on aura peut-être des conseils confinement lundi, des occupations confinement à vous donner. Donc rendez-vous à 21h pour ça. Et puis prudence à tous. Voilà, et puis bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée. Bisous. Ciao, ciao. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.